CFCA 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes assez fous. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reviendra à nos bonnes habitudes matinales en ramenant David Ferron dans l'équipe. Tout ça en plus de son foutu palmarès, c'est un fait, bien sûr, Tania et Scanner et Tignia. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis en ce mardi 6 septembre 2016, à une journée du début de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. C'est Tania en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Sur notre chanson thème de Renard Frac. Originalement par Vanessa Marietta, qu'on commence aujourd'hui. Ça va bien, Tania? Ça va très bien. Cool. Malgré le fait que ce matin, c'est quand même assez... Brouillardé. Brouillardé, ouais. C'est brouillé. Brouillé, oui, totalement. Ouais. Je m'en venais ce matin, j'avais de la difficulté à voir devant moi. Absolument, je pense que j'ai pris 3-4 photos là, pour me remémorer ce brouillard exact. Incroyable. Moi, tu as déménagé depuis la dernière fois qu'on a animé le matin ensemble. Maintenant, le trajet me prend le double du temps. Mm-hmm. Et comme tu vois, j'ai réussi à arriver à l'avance aujourd'hui. Ne t'habitue pas à ça. Ah non, il faut pas. Non. C'était pas demain qu'a commencé la session universitaire? Oui, ben comment oui. Ça se fait qu'il y a autant de constructions sur le campus encore aujourd'hui? C'est fou, hein? Voyons donc, t'as eu tout l'été pour faire ça. Oui, je sais. Je comprends puis pas. Puis il y en a eu beaucoup pendant l'été. Oui. Là, on pouvait pas passer nulle part sur en le campus. Des cubes, entre autres, qu'il y en avait exactement. Beaucoup. Bizarre, mais ils refont le 10-12 et apparemment, ce sera pas prêt pour la rentrée des classes parce que j'ai regardé à l'intérieur et c'est pas fini du tout. Hein? C'est pas terminé. Par contre, tout à l'heure, il y avait vraiment l'air de donner un gros coup sur les planchers. Donc peut-être que cette semaine, les gens vont danser sur le beat de la drill puis du marteau piqueur, ça va être incroyable. Peut-être, ça serait fou. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas animé le matin ensemble, est-ce que tu te rends compte? Déjà? On n'a pas fait ensemble le mois d'avril, ouais. Le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Ça fait 5 mois. Oh my God! On a terminé le 20, je crois, 23 oui, on a eu des plus mars. Grosses vacances que vous, maintenant. D'énormes vacances, mais on a animé quand même les mardis après-midi. Ce qu'on va continuer de faire ensemble. Oui, tout à fait. Pendant toute l'année scolaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une double dose, étant donné qu'il n'y a pas d'émission hier pour la fête du travail et que les palmarès c'est fou sont pas encore commencés. Donc, on va se claquer une petite émission d'assemblage requis PM tout à l'heure entre 14h et 17h. Mais parlons du présent avant de parler du futur. Oh! C'est ce qui est dit. Toi qui aimes quand même les balles, les boules, excuse-moi, de cristal. Donc aujourd'hui, l'émission, c'est un fait qui s'en vient à 8h. À 8h30, on va avoir une participation spéciale de notre ami David Ferron qui va être de retour. On parle pas encore de pourquoi il va être de retour pour le reste de la session. On va lui dire de garder le secret. Mais on va quand même parler avec lui de musique, de découverte musicale estivale. Oh, quand même! Ça s'en vient à 8h30. Toi, tu vas être à la fin de l'émission aujourd'hui à 9h. Tania Esgalin-Tutinia, qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh bien, je vais vous faire découvrir un petit peu des applications qui pourraient peut-être parfois nous sauver la vie. Et puis, seul but aujourd'hui, de vous sauver la vie. Oui, exactement. C'est dit quand même de façon grossière, mais... Il y a un peu d'hyperbole, je veux dire d'hyperbole. Oui, exactement. Non, mais c'est... Vous allez voir, c'est des applications qui servent vraiment souvent, surtout si vous êtes déjà à vouloir voyager. Oh! Voilà. Bien. Worldwide Edition de Tania Esgalin-Tutinia. Moi, je vais commencer dans quelques instants avec son foutu palmarès. On va parler, bien sûr, on est au mois de septembre. J'ai gardé ça pour le premier jour de l'émission. On va parler des fêtes à célébrer qui sont alternatives en septembre. Mm-hmm. Mais avant ça, une pièce qui va nous rappeler l'été. C'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir faire ce que cette pièce nous dit de faire, n'est-ce pas? Non, en effet. C'est Hypnolove. Avec la piscine. Assemblage requis ensemble jusqu'à 9h30. J'espère être en forme de même tous les jours. Ça serait le fun, hein? C'est le café, ça. C'est le café. C'est ça. J'ai dormi 5h30 et je suis plus en forme que quand je dors 12h. Ah, peut-être parce que je dors trop, l'été. Exactement. T'as tout compris, Mathieu. Le soleil pour pénitence. Le T'as combien la piscine, tu vérifies, t'as moins... Ouais, ce matin, elle doit être comme à moins 12. Combien il fait en ce moment? C'est quand même... je sais qu'on fait pas de météo assez fou, là, mais c'est quand même frisquet aujourd'hui. Là. Je sais. Ah, 12 degrés, c'est pas super. Ah, 12, c'est pas si pire. Je suis venu en t-shirt parce qu'encore une fois, comme j'ai dit la semaine passée... Mais humidité à 100%. Humidité à 100%? C'est ce qui est écrit. J'ai oublié de vider ma chaudière de 2014. Un matin. Toum, toum, toum. Il va y avoir un petit dégât tantôt. Mais c'est sûr. Oh boy, ça m'apprendra, Tania. Ça m'apprendra. Il annonce 26 aujourd'hui. Oh wow, crime. On est un 6 septembre, c'est quand même beaucoup. Ah, ça va tard, le show. Bref, t'as défait mon gag d'ouverture de crâne. Je suis désolée, Mathieu. Ça m'apprendra. À me donner de l'espace. C'est ça. Comme dans Apprendre dans, c'est un fait. Ah oh non, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'avais pas fait de gag. J'avais pas préparé de gag dans ma tête. Mathieu. C'est pas c'est un fait. On est le premier jour. C'est son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès. Selon le planning. Ah! Jusqu'à c'est la faute du producteur exécutif de l'émission. Je pense qu'il a changé de plan en cours de route. Son foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Mm-hmm. Et comme on est la première émission du mois de septembre, première émission matinale, en fait, première émission en général du mois de septembre, ouais. C'est le moment de parler des fêtes alternatives à célébrer pendant le mois de septembre heureux. Septembre heureux. Qui commence donc aujourd'hui pour nous. C'est donc le palmarès des 14 fêtes bizarres qu'on peut célébrer dans le mois de septembre heureux. Le 2. C'est la journée Amenez vos bonnes... C'était la journée Amenez vos bonnes manières au travail. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et on avait congé, malheureusement, mais sinon, je t'aurais ouvert la porte et tu l'aurais refusé parce que t'es une femme beaucoup trop forte pour te faire ouvrir les portes par un homme. Hein? C'est pas vrai. Des fois, ça j'apprécie le geste. Ah oui? Voilà. OK, parfait. Cool. Ben, je sais apprécier un gentil geste, quand même. Ouais, non, c'est ça. Ça, non, vas-y non? Toi-même. Okay, on va laisser ce sexisme misogyne à d'autres. C'est ça. De 4 septembre, maintenant, tiens, la journée nationale... Non, pas nationale. La journée en général de ceux qui livrent le journal. Ah, les camelots. Camelots. Voilà, pour ceux qui reçoivent toujours un journal le matin, c'est une bonne journée pour les célébrer. 5 septembre hier, lundi, non seulement c'était la fête du travail, c'est aussi la fête d'être en retard pour quelque chose. Ah d'accord, c'est-à-dire? Ben juste n'importe quoi, tu peux être en retard pour aller faire tes commissions, parce qu'en tant que tel, t'as congé, donc ben, la plupart des gens, non, certaines personnes, une partie des gens. Comme j'ai vu sur Facebook, c'est la fête du travail, c'est la fête pour les gens qui travaillent dans un bureau, qui prennent congé, puis... Ils s'attendent à se faire servir par les autres qu'eux autres qui n'ont pas une job de bureau. Puis dans les magasins, ouais. Il faut quand même qu'ils soient là. C'est de même, hein? C'est dommage. Mais hier, il y avait quand même beaucoup de magasins qui étaient fermés. Oui, quelques-uns, mais ouais. Il me semble que la plupart des dépanneurs, épiceries, oui, restaurants ça, ouais. étaient ouverts à Spirange. Oui, exactement. Donc bref, c'était hier la journée d'être en retard pour quelque chose. Ceux qui sont ponctuels à l'habitude pouvaient prendre congé. Là, on s'en va dans le futur, donc des choses qu'on n'a pas encore manquées. Le 11 septembre prochain, il y a un anniversaire commun. C'est pas quelque chose par rapport au tour. En fait, c'est quelqu'un qui peut faire un tour. Ah, d'accord. Tu comprends le gag, tour et tour, comme un chien qui fait des tours. Donc, c'était la journée, ce sera la journée nationale de câliner son chien, hound. Un hound dog, c'est comme le chien dans la chanson d'Elvis Presley. Là. Tu connais ça, les sortes de chiens, toi? C'est quoi, ça dépend lesquels, là. C'est quoi un hound? Ben là, je pense. Ben voyons donc! C'est ça, toi? Non, c'est ça, je me disais. Un chien. En général, c'est un chien en général? Je pensais que c'était une sorte de chien. C'est un chien. C'est juste un chien. It's a hound dog. Ah, d'accord. Ouais. Bref, c'était la journée. Ce sera la journée nationale pour câliner son chien. Et si vous en avez pas, vous pouvez peut-être regarder des photos de gens qui câlinent leur chien. Voilà. 13 septembre, la journée où les enfants prennent la place dans la cuisine. Ça ressemble à des émissions à zeste, ouais, d'enfants qui cuisinent. Ça va être pas mal ça dans votre maison aussi. Hein? Mettez de la farine partout, ça se ramasse bien. Tout le temps, avec de l'eau. C'est ça. C'est une pâte, je pense, hein, c'est ça. Ça fait de la colle. C'est la fête à ma soeur en fin de semaine. On est allé, je suis allé chez elle avec ses deux enfants. Mm-hmm. Ses deux enfants avec d'autres enfants de famille. T'sais, comme tout le monde qui se rassemble ensemble avec plusieurs enfants chacun. Ça fait comme une dizaine d'enfants. Oui. Puis ils ont mis des chips partout, ses tapis à terre. Ah. Partout les chips, c'est bien le fun. Mais ça se ramasse bien, pas. Plaisant. Avec une balayeuse, ça se ramasse. La farine, un peu moins. On aime ses enfants. Ah, on aime vraiment. 16 septembre prochain, la journée mondiale du Play-Doh. La pâte à modeler Play-Doh. Ah ouais. Journée parfaite justement pour passer avec les enfants à jouer avec de la pâte à modeler. Moi, c'est un cadeau que j'offre une fois de temps en temps à des enfants de la pâte à modeler. Ça fait toujours bien plaisir. Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est plus facile qu'avec des bonbons? Non, j'avoue que ce serait probablement plus... Mais je pense que ce serait moins le fun pour la mère, mettons, que je donne des enfants aux enfants de des bonbons. C'est sûr. Mais c'est ça, moi je donne des couleurs. J'achète des Play-Doh par sorte de couleur que je trouve cool. C'est okay. Un argenté. Ah, ils ont changé leur couleur. Là. Ah, c'est malade. Oh, ouais. Il y a du doré comme brun doré, là, vraiment cool, comme bronze. Là, c'est vraiment cool. Combien de temps ça dure tout ça, ces couleurs-là, avec ce mélange? Ah, c'est pas très très long. Hein. On parle en termes de secondes, surtout avec un des enfants dans la gang qui prend l'initiative de le faire pour les autres. Parce oui. qu'en tant que tel, moi, mes nièces, ils mélangeraient pas les couleurs. Il y a une pomme pourrite tout le temps. Ça dépend parce que, tu sais, si à un certain moment, tu veux faire quelque chose avec ta pâte à modeler, tu veux que ton objet ait plusieurs couleurs. Ouais, un petit chapeau doré, exactement. La face couleur. Automatiquement, pêche, ouais. Tu vas mélanger tes pâtes à modeler. Je suis d'accord. Mais ça reste quand même la règle d'un enfant qui vient gâcher le reste. Oui, ça, c'est sûr. 22 septembre, la journée, cher journal. Tu vois, on dirait que j'en avais à me vider, tu sais, j'avais un cœur à vider. Oui, c'est ça. Donc, le 22 septembre, ce sera la journée pour le faire. Peut-être même renouer avec la main d'écriture attachée, maintenant qu'on n'enseigne plus ça à l'école. Oh mon Dieu! Hein, on enseigne plus ça? Ben non, pas le droit de faire ça. J'avais tellement de la difficulté, moi, avec ça, là. Ouais, mais en même temps... Mais aujourd'hui, j'écris les deux. C'est ça, et t'as appris à le faire. Ben, c'est sûr que peut-être qu'avec la main gauche, c'est plus difficile. Oui. Mais en apprenant à écrire en attaché, ça te force à focusser, tu sais. Ah ouais, tu sais. Ben, je pense, parce qu'il faut que tu penses à comment écrire à l'avance, tu sais. Comment faire ta liaison. Moi, ce que je comprends pas, c'est genre de nos. En tout cas, j'ai vu sur Internet une note d'un professeur ou d'un enseignant qui disait à son élève, je l'ai dit quatre fois, mettons, de ne pas s'écrire en lettres attachées, arrête ça. La personne avait écrit son nom, son prénom en lettres. Mais là, les gens dans les commentaires disaient, si l'enfant est pas capable de suivre la règle de ne pas écrire en lettres attachées, il suivra peut-être pas les autres règles. Fait qu'il faut renforcer les règles qu'on a choisi de faire. Fait que c'est pour ça qu'il les empêche. Faites juste arrêter de faire des réformes. Tout devrait bien aller. En tout cas, commentaire éditorial ce matin. Hein. Voilà. 22 septembre, la journée du Hobbit. Le 22 septembre, c'est la fête des cousins Bilbo et Frodo Baggins de la série de J.R.R. Tolkien, The Hobbit et The Lord of the Rings. Donc, faites un party de Hobbit. Voilà, soyez braves, comme on dit. Toujours le 22 septembre, la journée nationale des centenaires. On reconnaît les gens qui ont vécu au-dessus de la centaine. Qui sont toujours actifs, qui ont toujours du plaisir dans la vie. Mm-hmm. Et ben. Le 24 septembre, la journée nationale de la ponctuation. Comment est-ce qu'on pourrait s'exprimer sur messages, textes, Facebook et autres sans ça? Peut-être avec des émojis. Sûrement. J'avoue que la ponctuation a vraiment pris le bord avec les émojis, tu trouves pas? C'est rare que je vienne qu'un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Moi, je mets la petite face qui réfléchit. De la personne. Ouais, c'est ça. Moi, je suis très, très émoji. Et GIF animé. Je vais mettre les deux. Ah oui, tu vas faire. Ah, j'ai de la misère avec le fait de finir une phrase avec un point ou un point d'exclamation et ensuite l'émoji. Pourquoi? Je sais pas, on dirait que c'est pas. On dirait que l'émoji représente une ponctuation. Ah. C'est comme sur Twitter, j'ai de la misère à faire blablabla, ma phrase point espace ouais. hashtag. Je ouais, mets pas okay. le point d'habitude. J'aime pas ça, le hashtag est une pause. En tout cas, hein, la vie, hein? First world problems. Exactement. 25 septembre, toujours dans la liste des fêtes bizarres qu'on peut célébrer dans le mois de septembre. Donc, 25, c'est la journée nationale du One Hit Wonder. Eh hey boy, il y en a une couple qui va sortir, là. Qu'est-ce que t'aurais comme One Hit Wonder préféré? C'est le... celui de Billy Ray Cyrus, là. Hey, keep breaking heart. Exactement, c'est celui-là, ça serait bien. Tout à fait d'accord. Mentalfast.com nous suggère Daniel Powter avec Bad Day, The Vapors avec Turning Japanese, j'avoue. Mm-hmm. Tony Basil avec Mickey. Hey, Mickey! Hey, Mickey! Hey, Mickey. Vanilla Ice Hello. Avec Ice Ice Babies, oui, c'est ça. Bobby McFerrin avec Don't Worry, Be Happy. Là, ça, c'est un top 5 que les autres ont choisi. Évidemment, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down. Moi, je dirais que c'est ça. 29 septembre, la journée internationale, cette fois-ci, du café. Mais ça, tout le monde va en parler dans tous les médias, donc on va un petit peu passer par-dessus. Mais nous, le matin, on aime beaucoup ça. Il y a des sortes meilleures que d'autres. Mais on aime le café en général. 29 septembre, ça tombe bien avec le café. C'est la journée nationale, pas internationale. Là, on est juste aux États-Unis ici. Okay. La journée nationale des biscottis. Oh! J'ai redécouvert, non, c'est pas vrai. J'ai découvert, parce que j'avais jamais goûté à ça, les biscottis, l'hiver dernier, à la chasse-galerie. Je me suis gâté les bâtonnets dans des pots de vitre. Je trouvais que ça avait l'air dégueulasse. Ah oh, ouais? Je trouvais vraiment que ça avait l'air sec. Mais c'est pas sec, c'est tout tendre. Mmh. En tout cas, il va me rester les... c'est quoi? Pas par la, c'est un fromage panna cotta? C'est quoi la... Panna cotta? L'espèce de grosse cloche, là, c'est un gâteau dans une boîte. La panettone. Oui, c'est ça. C'est un gâteau italien, là, tu parles? C'est pas l'affaire pour enlever la peinture. C'est du... l'acétone. Non, je mélange les affaires. Je pense que c'est panettone. Oui, mais ça, c'est de la panettone. Un gâteau dans une boîte. Ensuite, la panettone. Et panettone, voilà. Ça m'étonne pas, panettone. 30 septembre, journée. C'est un gâteau brioché italien. Ah, mais coup, c'est beau ça. Ouais. Ah, ben, Colin, Italie, quelle belle place, hein. Ah. Qui c'est que je connais qui est en Italie en ce moment? Ah, les Italiens. Oh, excusez. Hey, oh, ben, bâtard. Quoi? Oh, ben, bâtard. 30 septembre, la journée de câliner un végétalien. Wow. Après avoir fait ton chien au début du mois. Ouais, c'est ça. Pourquoi là, il faut les câliner, eux autres, on câline-tu ceux qui mangent juste de la viande? Parce que c'est des humains, puis il faut les encourager. C'est comme de dire, c'est parce que les végétaliens sont un petit peu opprimés dans la société, tu comprends? C'est, là, t'es en me disant, est-ce qu'il faudrait aussi câliner les personnes qui sont pas végétaliennes? C'est comme me dire, j'aimerais qu'il y ait un mois national de la fierté des Blancs. Ça fait un petit peu raciste, je trouve, ton affaire. Non, parce c'est qu'ils juste sont que... pas opprimés, les Blancs. Non, hein? Mais il faut que tu avoues que les gens qui sont végétaliens ou végétariens le disent tout le temps plus souvent c'est faux, que ceux qui ne sont pas. C'est pas tout à fait vrai. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pour vrai... C'est pas parce que... Tu sais, mettons, il y en a quelques-uns qui le disent sur Facebook, mettons, dans tes amis. Non! Peut-être, mettons, combien qu'il y en a dans tes amis qui le disent? Qui s'en vendent tout le temps? 3? Mettons. Mettons, dans mon Facebook, là, ouais. J'en ai plus que 3. 4? Non, sur deux mains, là. Ah ouais, bon, ouais. Facile. Mais probablement que la proportion de gens qui le sont dans ton, dans tes amis est pas mal plus élevée que ça. Donc, par comparaison, tu sais. C'est parce sais que pas. Ceux qui chialent ou ceux ben, qui j'ai se vendent... J'ai plus de gars que de filles sur mon Facebook. Peut-être ça. Mais des fois, c'est parce qu'ils prennent plus de place que les autres. Ouais, peut-être. Ben, c'est vrai, ça. Bah, tu vois, on a réussi à s'entendre. Ils prennent plus de place que nous. Ils prennent plus de place que nous. Voilà, c'est le palmarès des fêtes bizarres à célébrer en septembre. Justement, continuons dans la même lignée avec 10 fêtes anniversaires qu'on peut célébrer aussi dans le mois de septembre avec des gens qu'on... j'espère qu'on va connaître. Si on les connaît pas, on va les connaître un petit peu plus à la fin de la chronique. Hein. C'est un mois, en passant, le 16 septembre, cette journée-là du 16 septembre, c'est la journée de fête la plus commune, Tania. Ah oh, ouais? Ta fête est en quel mois? Mars, moi aussi mars. Donc tu vois, on est comme le contraire des autres. Mais on est assez fous, on est des rebelles. Exactement. Fait que je pense pas qu'on a beaucoup de monde qui sont nés en septembre assez fous. Parce que c'est ben trop normal. Hey! Donc 16 septembre, la journée la plus commune pour les fêtes. Et le mois lui-même est le deuxième plus populaire pour la naissance des bébés. Ah oh, ouais? Eh ben! Donc quelques anniversaires à noter pour le mois de septembre. Le 7 septembre 1533, c'était la naissance de la reine Élisabeth Ière du nom. Ouh! La première qui a eu un chemin assez compliqué vers le trône. Assez, ouais. Lorsque son père, le roi Henri VIII, est mort en 1547, le trône a été donné à son fils de 9 ans, Édouard VI, de son troisième mariage avec Jane Seymour, on dirait l'actrice de Xena guerrière de je sais pas quoi. Donc, Edward est mort 6 ans plus tard, à l'âge de 15 ans. Mais à ce moment-là, il avait déjà changé l'ordre de sa succession. Il avait nommé son cousin, Lady Jane Grey. Son cousin, ouais. Lady Jane? C'est un peu bizarre. Quoique, on sait pas. Donc, Sacrusée, Lady Jane. Ça a commencé là. Arrête, ça a jamais commencé. Ça a toujours été là, c'est ce qu'on black, en parlait. Black, c'est black. Bref, Lady Jane Grey comme successeur. Grey a été maître pendant seulement 9 jours avant que le conseil déclare Marie, la fille de Henri et sa première femme, Catherine d'Aragon, comme reine à la place. Donc, Marie Première, aussi connue sous le nom de Bloody Mary, c'est le vrai salé, a régné pendant 5 années tumultueuses jusqu'à sa mort à l'âge de 42 ans, sans enfant, sans héritier. Élisabeth, finalement, a réussi à prendre la place sur le trône en 1558 à l'âge de 25 ans. Elle a été maître pendant 45 ans. Comme ses frères et sœurs, elle est morte sans héritier. Son règne était le dernier de la dynastie des Tudor, oh, ouais, dont on a fait, entre autres, plusieurs séries télé. 9 septembre. Est-ce qu'il y a des détails autant sur chaque? Parce que là, ça va être long, 10, hein? 10 septembre 1890, c'était très intéressant, la naissance du colonel Harlan Sanders. Ah oui? Oui. Donc, le colonel Sanders, qui sera toujours connu comme le fondateur de Kentucky Fried Chicken, bien sûr. Il a engraissé un petit peu, hein? Oui, mais il est mort, là. Fait que là, il a repris du poids. Sur la photo. Il a reperdu du poids. Ah, c'est ça. Il avait 40 ans avant que sa famille, non, avant que lui-même commence à vendre de la nourriture à sa station-service de Corbin dans le Kentucky. Oui, l'état du Kentucky, en effet. Donc l'un est venu après l'autre, là, mais c'est pas celui que vous pensiez. Ils ont pas nommé le poulet en hommage de Kentucky, mais c'est pas le l'état a pas été nommé en hommage du restaurant. On se comprend ça. Avancé, travaillé comme aide fermier, comme peintre, comme conducteur de tramway, des streetcars, les voitures sur des rails. Ouais, ouais, ouais. Bref. Assistant de blacksmith, celui qui fait les épées. Forgeron. Il était aussi pompier de train, avocat, vendeur d'assurance, secrétaire, sage-femme. OK, oui. Homme oui, sage-femme, oui, qu'on appelle. Et opérateur de ferry, donc une sorte de train aussi. Oh, il n'a ouais, pas été propriétaire de sa première franchise PFK avant l'âge de 62 ans. Est-ce que tu savais qu'en France, on n'appelait pas ça PFK, mais on appelait ça KFC? Ouais. Parce que c'est des fondants. Kentucky Fried Chicken. J'ai appris du Kentucky Fried Chicken, du coup. Wow. 13 septembre 1916, la naissance de Roald Dahl. C'est l'auteur britannique qui nous a donné Charlie et la chocolaterie. James, comment est-ce qu'on l'appelle en français? James and the Giant Peach, la pêche géante. Oui, et voilà. Fantastic Mr. Fox et plusieurs autres histoires mémorables. Il a fait certaines des choses les plus profondes dans sa vie à l'extérieur du monde de la fiction. En 1962, sa plus vieille enfant de Dahl, Olivia, qui était la prunelle de ses yeux, est morte après avoir attrapé une maladie qui s'est développée en encéphalite. Donc, measles, je crois que c'est la varicelle. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est ça? Je vais aller voir pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. C'est quelque chose qui ressemblait à ça, il me semble. Rubella, le virus morbilleux. Morbilleux. Morbilleux. En tout cas, c'est la rougeole. C'est la rougeole. Ah, voilà. Mais en France, on le traduit en virus morbilleux. En virus morbilleux. C'est lettre. Donc, c'est devenu une encéphalite. Dahl a écrit à son sujet dans un journal intime qui a été découvert par sa famille bien longtemps après la mort de Roald Dahl. La prose est restée privée pendant la vie de Dahl, mais en 1988, il a écrit une lettre ouverte aux parents au sujet du vaccin de la rougeole, qui a été publié en tant que pamphlet, dans un pamphlet, oui, de la Sanwell Health Authority. On peut lire la lettre au complet sur assemblagerequis.com. Donc, c'est pour convaincre les parents de faire vacciner leur enfant. Ah, je vois. 15 septembre 1890, la naissance d'Agatha Christie. Dame Agatha Christie. Agatha Christie. Agatha, c'est son frère Bam Bam. qui a le record du monde pour le plus de romans vendus, en fait, au monde. Romans. Ah, oh, ouais. Le crédit, peut-être. J'aime l'écho qu'il y avait dans ton café. Oui, excusez, non, ça a pas... Oh, ouais! Eh ben, quand même! Ah, ouais? C'est quoi ça, un tube? les crédits peut-être donnés à son... S'il te plaît! À son talent pur et à son imagination, mais Chrissy a aussi été influencé par le temps qu'elle a passé à travailler pour la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été entraînée donc, pour travailler dans le domaine de la pharmaceutique. Elle est aussi devenue obsédée par la peur d'accidentellement empoisonner quelqu'un. Ça dit dans sa petite biographie, c'est bien normal que une bonne partie de ses victimes fictives, 83 en fait, ont été empoisonnées dans ses romans. Ah ouais? Elle avait peur de ça. Le 16 septembre 1924, c'était la naissance de Lauren Bacall. Elle a fait 72 films et apparitions à la télé. Elle est très légendaire. Elle avait seulement 20 ans quand elle a été choisie pour le film To Have and Have Not en 1944. Sur le plateau, elle a rencontré son amour Humphrey Bogart, qui avait 44 ans à l'époque, était marié à l'époque aussi. Donc, il était marié à 44 ans et elle avait 20 ans. légère différence d'âge. Petite. Mais dans ce temps-là, ça se voyait quand même assez couramment. C'est quelque chose qui revient. Moins mal vu. Ouais, ben les modes, hein, c'est cyclique. Ouais, c'est ça. Donc la chimie entre les deux était tellement évidente que les gens qui faisaient des films avec eux travaillaient pour lui donner plus de temps à l'écran jusqu'à ce qu'elle puisse avoir un rôle en première scène, en premier plan. Un an plus tard, elle et Bogart étaient mariés et ils ont fait trois films ensemble. The Big Sleep en 1946, Dark Passage en 1947 et Key Largo en 1948. Baby, why don't we go down to Kokomo? Key Largo, Quantigo, baby... Non? Difficile. 18 septembre 1905, Greta Garbo est née. Est Greta Garbo? Hein, je sais Ben, elle a l'air d'une actrice, en tout cas. C'était une vedette de cinéma, en effet. Voilà. Une introvertie qui a arrêté de donner des entrevues très tôt dans sa carrière. Elle a fait 32 films et elle a pris sa retraite d'Hollywood à l'âge de 35 ans. Sa nature énigmatique était une des raisons pour lesquelles elle a été recrutée pour travailler pour l'agence qui ressemble un petit peu à la CIA en Grande-Bretagne, qui est l'agence MI6. Oui! Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ouais. Elle était de plus en plus reconnaissable, donc elle pouvait pas y aller undercover, mais elle socialisait avec des personnes intéressantes, donc des personnes d'intérêt pour des enquêtes. Donc, elle se servait de son statut de vedette à la place d'être incognito, se cachait avec des lunettes de soleil. Elle allait voir les gens en tant que Greta Garbo. Donc, elle a aidé... elle socialisait avec ces gens-là et ramenait les preuves, l'évidence de leur sympathie avec l'ennemi, au quartier général du MI6. Elle a aussi aidé à parler, la phrase est drôlement construite, mais elle a convaincu le roi de la Suède, Gustave V, à rencontrer le physicien Niels Bohr, qui, à l'ultime, a mené le roi à offrir l'asile aux Juifs danois. Oh. Elle a été critiquée en public pour ne pas avoir fait assez de choses pendant les efforts de guerre, mais typiquement, Garbo, elle a gardé le silence au sujet de ses activités d'espionnage. Voilà. Malade! Forte, c'est ma nouvelle... c'est ma nouvelle Héroïne. On la salue, Greta Garbo. 22 septembre 1791, la naissance de Michael Faraday. C'est un scientifique... C'est un chimiste anglais, en fait, un physicien aussi, qui nous a donné le concept du champ électromagnétique. Il a aussi inventé des appareils qui ont mené à notre utilisation quotidienne de l'électricité. C'était aussi un éducateur. En plus de travailler pour la Royal Institution, Faraday a inauguré une série de discours, de cours, de choses que les gens pouvaient aller voir, là, des trucs de science pour les enfants, en 1825. Alors que c'est très rare à l'époque. Il a donné 19 de ses soi-disant Christmas Lectures. La dernière était en 1860 et la série continue encore aujourd'hui. Ah, ouais. En son honneur. Ah, je savais pas ça. 23 septembre 1838, la naissance de Victoria Woodhall. Elle a de beaux cheveux? Oui, ben, c'est crimpé pas mal par en arrière. Elle l'est. On dirait qu'elle a comme, tu sais, la coiffure de Trump, mettons. Ouais. Mais qui continuerait vraiment en arrière comme sur une tête d'alien. C'est ça, c'est pas la sienne, là. C'est des faux cheveux, ça. Probablement. Avec un bandeau. Et à l'arrière, une coupe Longueuil. Genre, mais en couette. Ça a l'air un petit peu des coiffures typiques que l'on voit sur les Indiens si tu tapes Indien sur Google. Ah, mettons. Ben, Caroline, wow. Absolument. Il manque de plumes, par contre. Ouais. Donc, Woodall était la première femme à avoir participé à la course. Tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu dans les chaînes de nouvelles ou au bulletin de nouvelles, peu importe, entendre dire que Hillary Clinton avait été la première femme nominée pour un parti. Oui. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est pas tout à fait vrai parce que on dit, je suis pas un historien politique, là, mais on dit que c'est la première femme à avoir été élue au sommet d'un parti majeur aux États-Unis. Ah, oh, ouais. Fait qu'il y a une différenciation à faire. Là, on a la première femme qui s'est présentée à la course pour la présidence des États-Unis. Malgré le fait qu'à l'époque, en 1872, elle ne pouvait pas légalement voter. Donc, les femmes politiciennes étaient une idée radicale, mais Woodall était une femme radicale aussi. Elle s'est divorcée deux fois. Elle a investi dans les marchés boursiers, elle a édité ou publié un journal. Elle a travaillé comme clairvoyante, donc elle n'avait pas juste des qualités. Hein. Woodall a participé à la course, donc à la présidence du Equal Rights Party Ticket. Mais elle a passé la soirée des élections en prison sur des accusations d'indécence et pour avoir parlé de l'hypocrisie du ministre local. Ah, oh, ouais. 24 septembre 1936. Je l'adore, celui-là, c'est la naissance de Jim Henson, le créateur des Muppets. OK. Le génie derrière les Muppets. Il n'a pas grandi avec de grandes envies d'être marionnettiste. En tant qu'étudiant au secondaire en 1954, il a eu une position avec la station télé locale, qui voulait une émission avec des marionnettes. Henson, qui était à l'époque marionnettiste amateur et opérateur de marionnettes, a décidé qu'il pouvait apprendre ça sur le tas, donc en le faisant. L'émission a seulement duré 2 épisodes, mais c'était assez pour que Henson se fasse des contacts et laisse une bonne impression. Plusieurs autres apparitions à la télé ont suivi, et évidemment, les Muppets et plein d'autres choses qu'il a créées sont venues par la suite. Et finalement, dans notre liste des naissances alternatives, là, on parle pas de vedettes courantes là, du tout dans cette chronique-là. Donc, le 25 septembre 1930, la naissance de Shel Silverstein, un auteur pour enfants, qui est aussi célèbre dans le monde de la musique. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui est au courant. Il a écrit la chanson de Johnny Cash, A Boy Named Sue. OK. Silverstein a joué la chanson pour le Crooner à un party en 1969, et quelques jours plus tard, Cash l'a joué pendant un enregistrement en direct de At San Quentin, enregistrement devant public. Columbia Records a sorti la chanson et ça s'est monté au numéro 2 des pop charts, des palmarès de musique pop. Ouais. C'est devenu donc le meilleur vendeur, le single meilleur vendeur simple donc de Johnny Cash. Silverstein. Silverstein a attrapé un Grammy Award pour cette chanson-là, et un an plus tard, il est apparu au Johnny Cash Show pour la performer avec l'homme en noir lui-même. En 1978, Silverstein a suivi ça avec une suite nommée The Father of a Boy Named Sue, qui racontait la saga de la perspective du père à la place du fils. Ah, oh, ouais. Si je comprends bien, je crois que c'était... En tout cas, ça dit juste de la perspective du père. Voilà. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. Colin... Hein, on a appris des choses sur le mois de septembre et sur les gens qui y sont nés. Il fait qu'on peut célébrer. Je pense qu'on va prendre la pause publicitaire. Pourquoi pas? N'est-ce pas? On va aller entendre avancer une pièce de Weaves que tu nous as préparée pour le palmarès anglophone. Ben oui, tout à fait, parce que ça fait pas super longtemps qu'ils sont au palmarès, mais on a quand même monté à la 6e position. Alors, c'est Weaves avec Candy. Assemblage requis sur C'est fou! Thank you. Candy. Au retour de la pause, c'est un fait. Et plus tard, David Ferron s'en vient. Ouh, yeah! Assemblage Rock. Assemblage Rock pour toi, aujourd'hui. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bon, t'as dit les heures de diffusion, moi c'est maintenant. Vous êtes assez tard. Pour l'écouter. C'est fou. .ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 6 septembre 2016, Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Oui. Aujourd'hui, ça tombe bien que cette publicité-là joue pour dire pour les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Non seulement parce qu'on a changé plusieurs fois de cases horaires dans la vie, mais oui, qu'aujourd'hui, on fait une émission spéciale en après-midi d'Assemblage Requis. En fait, on continue notre version estivale pour une autre fois. Donc, on va appeler ça Assemblage Requis PM. Ça s'en vient entre 14h et 17h, c'est tantôt. Oui, exactement. Parce qu'on est comme entre deux, là, présentement. Oui. On est comme entre une session, puis nous, pas encore. Donc, ben, de ce côté-là... Techniquement, là, pour ceux qui se demandent, là, techniquement, là, la semaine... pas la semaine, mais la programmation d'automne commence le 12 septembre. C'est ça. La semaine prochaine, après le début des cours. Nous, on a décidé de commencer avant la session, comme le voulait la tradition, depuis les 6 dernières années. Donc, on voulait continuer ça pour pas finir ça sur une mauvaise note de commencer en retard. Oui, tout à fait. Ça n'aurait pas rapport. Bref, dans quelques instants, on va faire du site un fait jusqu'à l'arrivée de David Ferron. Mais avant ça, comme j'en ai parlé tantôt, que je l'ai même quasiment chanté, je me sentirais mal de ne pas la faire jouer pour vrai. Ah ouais? C'est pas le genre de chose qu'on fait jouer d'habitude, mais en fait, je me rappelle avoir déjà joué une chanson d'eux autres. Voici The Beach Boys et Kokomo! Assemblage requis. C'est l'été. Mais oui, pas encore l'été. Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical cake melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego Bay. Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, The Beach Boys, Kokomo, oui, c'est pas le genre de musique qu'on fait jouer souvent. On devrait peut-être le faire plus souvent, mais tu sais, quand on a juste 2 heures d'émission à remplir par jour, puis comme 1h30 de chronique, puis comme l'espace pour 4 tonnes, on met du palmarès. Mm-hmm. C'est de même, mais on va travailler là-dessus, faire une petite liste de petites chansons qu'on aimerait ça jouer une fois de temps en temps, des nouveautés, des vieilles affaires, des trucs comme ça. Tout à fait. C'est une mission qu'on se donne pour cette année, ça te va, ça? Mm-hmm. Maintenant, c'est le moment d'apprendre. Tantôt, j'ai fait une référence au fait que c'était le moment d'apprendre, je me suis trompé. Là, c'est le moment. Là, c'est vrai. Là. Faut arrêter de remettre l'apprentissage à plus tard, même si les cours sont pas encore commencés. Fait que ça, dans le fond, ça, on peut le remettre à plus tard. Je sais qu'il y en a qui ont commencé. Je sais pas, peut-être. Les initiations ont commencé hier, ça, je sais, je les ai vues. ça croulait par terre. Là. Absolument. Donc voilà, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Way down in Kokomo. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Selon Internet, bien sûr, on a tellement de choses à apprendre. On n'a pas arrêté cet été, en fait, contrairement à l'été passé. On a appris à chaque semaine d'assemblage requis. Là, on le fera plus pour l'instant. En tout cas, cet après-midi, j'ai décidé que toutes les chroniques qu'on faisait ce matin, on les faisait pas cet après-midi. Exactement. Dans Assemblage Rocky PM, parce qu'on veut se différencier un peu des autres. Oui. Commençons donc par un jingle, une publicité radio, en fait, qui a présenté les jingles commerciaux au monde. OK. De nos jours, donc, le jingle commercial a l'air de disparaître des ondes, même si, en tant que tel, j'en entends une fois de temps en temps, puis on dirait que c'est comme, c'est daté, hein. Mm-hmm. Tu sais, quand ça dit genre Trois-Rivières, nanana, parce qu'on est fort et fiers, des petits jingles comme ça, là. Oui. Ça fait années 80, 90. C'est vrai, hein? Mais ça continue encore aujourd'hui. Mais un slogan, ça sonne tout le temps un peu. Un slogan? Oui. Un slogan. Un slogan. Ça, c'est quand un slogan sent mauvais. Ça schlange. Ça schlange. T'as tout compris. Hey, j'ai de la difficulté. J'ai des dents de sagesse qui poussent encore. Ah, t'es sérieuse? Oui. Arrête donc. T'as dit? Ben voyons donc. Je les ai pas fait enlever, moi, encore. Fait que là, ça. Ouais, ça. C'est ça. Eh ben. On apprend les choses. Bref, le jingle commercial disparaît un peu, même s'il en reste encore. C'est remplacé par des chansons d'arrière-plan, tout ce qui est plus traditionnel. Les pubs se ressemblent toutes, se différencient beaucoup moins, alors que les jingles, dans le temps, faisaient vraiment que tu te rappelais d'une campagne publicitaire. Bref, pendant des décennies, les petites chansons accrocheuses étaient partout à la télé et à la radio, que ce soit pour du ballonné, des bananes, des médicaments pour l'estomac ou des assurances, peu importe. Donc, le jingle commercial était très commun. Ça peut être difficile d'imaginer une époque avant les jingles commerciaux, nous dit MetalFloss.com, mais comme The Atlantic nous le rappelle, le jingle a probablement commencé en 1926. Ah, ouais. Une compagnie du Minnesota nommée Washburn Crosby, on dirait... c'est quoi le nom? Son nom lui fait slogan. Washburn Crosby. Absolument. Samson Bellard de l'Ouest et Touche. Oui, exactement. C'est quoi qui est à côté de l'université? L'agence de voyage Carson Wagon Lit. Ah. Ça fait tellement pas francophone. Non, en effet. Je m'en vais chez... Ben, ça s'appelle l'agence Jet Set, genre... OK. Mais c'est la compagnie Carson Wagon Lit. Je vois. Bref, Washburn Crosby qui a engagé littéralement un vrai barbershop quartet. Tu te rappelles les gens habillés avec un chapeau haute forme avec des lignes rouges et blanches? Mm-hmm. Donc, les Barbershop Quartet pour faire la promotion de sa céréale, ben c'est céréale, qui était un petit peu en difficulté. Ça s'appelait les Wheaties, ça existe encore aujourd'hui. Il essaie de sauver les céréales pour ne pas qu'elles disparaissent. Il y a un petit débat à savoir si la chanson était vraiment le premier jingle commercial ou un des premiers, mais la publicité a quand même changé le monde par rapport à sa musique accrocheuse. Donc, pour écouter ensemble le petit slogan de Wheaties, on va appuyer sur le bouton play maintenant. Attention. Have you tried Wheaties? They're whole wheat with all of the bran. Won't you try Wheaties? For wheat is the best food of man. They're crispy and crunchy the whole year through. The kiddies never tire of them and neither will you. So just buy Wheaties. On dirait une chanson genre d'Halloween, on dirait que c'est des fantômes qui chantent. Ça fait peur un peu. C'est vraiment peur. Hein? Mais par contre, tellement que j'ai aimé ça, on va la réécouter, mais j'ai essayé de traduire les paroles. Oh non! Oui, attends. Have you tried Wheaties? Avez-vous essayé Wheaties? They're whole wheat with all of the bran. C'est du blé entier, quelque chose comme ça. Essayez donc Wheaties. For wheat is the best food of man. Parce que Wheaties, c'est la meilleure nourriture pour l'homme. They're crispy and Elles sont croustillantes et cocottes pendant toute l'année. Les enfants se tannent jamais, et vous non plus. Oh, mais achetez les Wheaties. La meilleure nourriture pour déjeuner au monde. Oh boy. C'est tellement sec, ça devient tellement détrempé dans du lait, mais c'est croustillant et croquant pendant toute l'année. Si tu les laisses dans la boîte. Oui, oui. Ils n'ont pas précisé « si tu les laisses dans la boîte ». Non, en effet. Il aurait peut-être dû. Hein? Il aurait peut-être dû. Wheaties, voilà, c'était le premier jingle au monde. Pendant qu'on a passé 6 minutes sur le premier fait, continuons avec le « Est-ce que tu connais? » On va passer beaucoup de temps sur les premiers faits en fait aujourd'hui parce que j'ai choisi des articles un petit peu plus longs. Est-ce que tu connais le « Millennial Whoop » Non. Non. C'est la petite mode musicale qui est en fait oh pas oui! mal partout. Oui! Oui! L'espèce de... ça, là. Genre, est-ce que tu connais ça? J'ai vu une vidéo qui expliquait d'où ça venait. Ah, oh, wow, cool. Ben, moi, en fait, c'est un article qui en parle un petit peu plus en long et en large. Si tu peux retrouver, à un moment donné, la vidéo, faudrait... peut-être pas là, mais plus tard. Mais je pense que c'est exactement la même vidéo que celui que tu t'apprêtes à... Celui qui dit « The Million Whoop is taking over pop music ». OK, bon, ben parfait. On l'écoutera peut-être... je pense qu'on va peut-être plus écouter les chansons en référence à ça, parce que ça va être un petit peu long sinon. Mais si vous avez écouté de la Top 40, une petite radio commerciale poche depuis les dernières années, vous avez raison d'avoir remarqué une petite tendance. Mm-hmm. Donc, le product manager et le musicien Patrick Metzger mm-hmm. a récemment identifié donc une petite séquence mélodieuse qui est partout dans la musique pop depuis des années, et une fois qu'on l'entend, ça va être difficile d'arrêter de le remarquer. On va écouter des extraits rapidement, ouais. comme ça. Donc, à 1 minute 5, là, c'est une chanson qu'on ferait pas jouer habituellement, c'est California Girls de Katy Perry. Là. Mais c'est juste pour que vous entendiez ce fameux. Voilà. On va commencer à genre 55 secondes pour mener vers le bout de la chanson. Daisy Dukes, bikinis on top. Ça va être là. C'est assez, donc c'est le, ça, là, le ça. Une séquence de notes qui fait qui alterne entre exactement. La cinquième et la troisième note d'une façon de musique de... Je connais pas la musique. Oui. Bref, le Millennial Whoop. Et là, la raison qu'on voulait en parler, non seulement que c'est parce que c'est accrocheur, puis tout le monde... c'est une séquence tellement courte, nous dit la petite vidéo dont tu parlais tantôt, que personne peut réclamer le copyright là-dessus. On cherche les origines de ça. On sait pas trop... on sait pas encore d'où ça vient nécessairement. Il y a une parodie par The Lonely Island, nous dit-on aussi du Millennial Whoop. Ah, oh, pour vrai? Ça doit être drôle. Je pense qu'on avait les chansons dans l'article. Je pense que c'est peut-être dans la vidéo. Je me rappelle d'avoir regardé. Dans le Millennial Whoop, t'as plusieurs extraits. Ben, c'est ça l'affaire, parce que je m'en rappelais de l'avoir vu, cette histoire-là. Mais toi, tu cliques ces liens avant que je clique dessus. Bon, partie de la musique de fond pour l'instant, là, par exemple. Ça commence à être un petit peu long à charger. Hein. OK, donc on a... on va écouter celle-là. Est-ce qu'on écoute ça? Si tu le portes, tu pars directement sur les vidéos qu'ils font. La première vidéo en haut? La vidéo qui s'appelle « The Million Whoop is taking over pop music ». Attends un petit peu, je pense que c'était sur l'autre que j'étais avant. Ok, je l'ai. Ok, on va écouter ça, ça va être mieux. Bon. Ok, c'est ça. C'est si facile. Je me casse la tête des fois. Sur une chanson de Frank Ocean, Ivy. Donc, les explications. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un passage d'une cinquième à une troisième note, et ensuite, on revient à la cinquième. Le musicien, donc Patrick Metzger, a remarqué ça, a appelé ça le Millennial Whoop. C'est lui qui a inventé l'expression. C'est pas une expression musicale qu'on connaît d'avant. Et comme on dit, c'est partout. Chris Brown, dans ce cas-ci. Surtout dans la musique pop, ici c'est Fifth Harmony. Ça fait que la chanson est familière, que t'as l'impression de la reconnaître parce exactement. Que dans le fond, tu l'as déjà entendue. C'est parce que ce petit bout-là est dans toutes les chansons présentement, donc t'as l'impression que cette tune-là, tu la connais. Mais comme tu l'entends ici, les notes en alternance, c'est pas quelque chose de nouveau. Non. On l'a entendu dans la musique classique ici. Ça, c'est une vieille tune des années 80. Et c'est la même 85, chose. 85, oui, Baltimore. C'est pareil, pareil. Même les oiseaux le font. Mais cet intervalle très spécifique, ce son-là, qui est incroyablement commun depuis les dernières années, nous dit encore M. Messenger. Combien de temps est-ce que ça va durer? C'est ce qu'on se demande. Ça dépend si les gens se tannent de l'entendre. Et voilà. Donc, une vidéo de Quartz qu'on vient d'écouter à la radio. Voilà. Continuons toujours dans C'est un fait. En fait, même si notre petite chanson thème n'est pas aussi accrocheuse que celle-là, que voulez-vous, on a quand même une de fond depuis quelques temps. En fait, c'est même pas notre première chanson de C'est un fait, je sais pas si ça. Il y a Quartz aussi, le groupe de musique? Oui, qui en ont fait une chanson. Ah, ben, Colin. Mais ouais. Là, on parle de Quartz, la publication en ligne. On parle de l'astronaute maintenant, John Glenn, qui est devenu la plus vieille personne dans l'espace à l'âge de 77 ans, après avoir fait du lobbying envers la NASA pendant 2 ans pour faire voler donc un être humain qui allait servir pour des études gériatriques. C'est comme ça que c'est rendu, qui est devenu astronaute, John Glenn. Tu sais, les enfants qui ont le rêve de devenir astronaute. Hein? Ouais. Ben, trouvez-vous une raison de se faire envoyer dans l'espace. Parlant d'espace, un astronaute d'Apollo a perdu sa bague de mariage, donc son jonc, pendant son voyage sur la Lune. Il l'a trouvé plus tard, pendant qu'il se promenait sur la Lune. Mais non. Comme on fait habituellement. Ben oui, tout à fait, tu sais. Il l'a retrouvé. Petite balade du dimanche soir. C'est ça, tu sais. À un moment donné, c'est comme avance, mon nom. Un coureur tchécoslovaque, Emil Zatopek, a décidé de compétitionner dans un marathon aux Olympiques de 1952, malgré le fait qu'il n'avait jamais couru cette distance-là de sa vie. Zatopek a demandé à un autre coureur, Jim Peters, avec qui il courait côte à côte, il lui a demandé s'il allait assez rapidement, lui-même, Zatopek. Peters lui a dit non, donc Zatopek a accéléré et a gagné la course. Ah, oh, mon Dieu! Ton collègue à côté, c'est comme genre Usain Bolt puis DeGrasse... Hey les gars, ça veut-tu pas bien? Non! Le RMS Titanic, petit bateau que tu connais peut-être? Oui, ça me dit quoi ça? A lancé 8 feux d'urgence avant de couler. Un bateau qui était dans le coin, le SS Californian, a vu les lumières et que le bateau était sur des eaux instables. Le bateau avait l'air instable. Mm-hmm. Donc l'équipage l'a dit au capitaine, qui ne croyait pas que les fusées avaient été lancées en détresse. Tous les passagers, en fait, du Titanic auraient pu être sauvés si c'était pas du fait que le capitaine du SS Californian pensait que c'était pas une détresse, c'était juste autre chose. Penses-tu pas que lui, il s'en mord les doigts aujourd'hui? Il est probablement mort, ouais. C'est... Non, mais tu sais, quand il a su la nouvelle, ouais. Mort, là... Mais ça, tu te sens mal un peu, là. Tu te sens mal. C'est juste un petit peu, genre... C'est juste le Titanic. C'est juste le Titanic. Et en fait, un film. Ah oui. Le mot chinois pour contradiction... Oui. OK, c'est un petit symbole, un petit triangle avec une petite barre, puis une autre petite barre, mm-hmm. Un petit carré avec des lignes, puis une échelle. Là. Oui. Donc, ça consiste, le mot contradiction, des caractères pour spear, qui est comme une flèche. Oui. Pas une lance, spear, genre une lance. Je dirais une ouais, lance. Oui, à peu près, oui. Une flèche. Et bouclier, shield, respectivement. Apparemment que c'est dérivé d'une vieille histoire où un marchand chinois disait qu'il vendait des flèches qui pouvaient percer n'importe quel bouclier. Et okay. Il vendait aussi des boucliers qui pouvaient se défendre contre toutes les attaques de flèches. Donc, c'est un peu une contradiction. Comme si un arnaqueur. C'est comme un arc-naqueur. Un arc-naqueur. Eh boy, hein, le petit jeu de mots ici. Eh boy. Bref, c'est un mot chinois donc, pour contradiction qui veut dire qui est les deux caractères pour une flèche et un bouclier. En fait, si tu regardes les deux caractères, le petit triangle, la petite barre, la petite, on dirait quasiment une flèche. Et l'autre, on dirait quasiment un bouclier. C'est vrai. Quand tu y penses. En Rome antique, un esclave devait continuellement chuchoter la phrase « Remember you are mortal ». J'imagine qu'il le faisait pas en anglais, donc je vais le dire en français. « Souviens-toi que tu es mortel mm-hmm. » dans les oreilles de différents généraux victorieux, donc qui gagnaient leur bataille. Alors qu'ils paradaient dans les rues après leur retour à la maison, ils avaient gagné leur guerre, les généraux. Ils étaient tout triomphants après leur bataille, tout super heureux. Et là, il y avait un esclave qui venait leur dire « Souviens-toi, t'es mortel, man. » Enfle-toi pas la tête, c'est un peu ça que ça voulait ouais, dire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment cool comme idée, même si c'était des esclaves, c'est un peu moins cool. C'est ça. À peine un peu moins cool. Les poulets. Les poulets, les oui. Les petits poulets. Les petits poulets. Étaient considérés comme de la luxure. Non, luxure, c'est pas ça que ça veut dire, il me semble. Du luxe. Du luxe. Le mot luxure. Cherche-moi donc la définition du mot luxure, s'il te plaît. Je me souviens pas ce que ça veut dire. Mais bref, le poulet était considéré comme une nourriture luxueuse aux États-Unis jusqu'à la découverte de la vitamine D ça en 1922. Tu veux que je te le dise? Oui, s'il te plaît. La luxure désigne un penchant immodéré pour la pratique des plaisirs sexuels. Ah, tu vois, il me semblait aussi que c'était pas ce que je pensais. Oui, et ça réfère aussi à une sexualité désordonnée là, ou incontrôlée. Mais, quoi que... Donc, Mathieu, je sais pas... Un poulet a une entrée. Où tu prends ta luxure, mais... m'a te fourré un petit poulet avec une belle petite peau, là, le poulet, donc, était considéré comme, merci, Étienne, comme une nourriture luxueuse aux États-Unis jusqu'à la découverte de la vitamine D en 1922, ce qui permettait au poulet d'avoir un petit peu plus de comment dire, d'être un petit peu, comment je pourrais bien dire ça? Ce qui permettait au poulet d'être un petit peu plus actif, un petit peu plus enjoué, quelque chose comme ça, mm-hmm. À l'intérieur et pendant la saison hivernale. Oh. Donc là, on avait du poulet à l'année longue. Et voilà. Avant, c'était un luxe seulement pendant la saison. Certains départements policiers aux États-Unis commencent à créer ce qu'on appelle les Internet Purchase Exchange Locations, donc des endroits d'échange d'achat Internet. D'accord. Pour que les gens sur Craigslist, Kijiji, les packs, peu importe, des transactions Internet, puissent faire ça dans un endroit avec surveillance vidéo et une présence policière pour que tout le monde soit en sûreté. Tu sais, quand je vends, mettons... C'est pas fou! C'est vraiment fort. Pour vrai, mettons, je vends mon iPhone 6S Plus la semaine prochaine pour le nouveau modèle 7 qui va sortir la semaine prochaine. Pourquoi ça me surprend pas, ça? Il va falloir que j'aille dans un dépanneur. Moi, c'est ce que je fais. Je vais à un dépanneur 24 heures avec des gros spotlights. Là. Ouais. Je vais là pour faire l'échange. Ah ouais? Ouais. Ça sonne deal de drogue, genre. Ouais, mais tu veux que ce soit un endroit où tu peux pas te faire poignarder? Non, ça, c'est sûr. Quoique, dépanneur, c'est une place pour se faire poignarder. Tu sais, mettons, tu ne demandes pas de venir chez toi, là. Non, jamais. Dans le confort de ton salon. Je fais jamais de vente en ligne chez nous. Je vais tout le temps au magasin le plus près, au coin d'autobus. Bonne idée. Une place publique, ça me fait trop peur. Bref, bonne idée, ça, c'est aux États-Unis. Donc, les Internet Purchase Exchange Locations, des IPEL. Mm-hmm. Comme Chilampel, on l'appelle. Il y a un sport. Alors ça, là, des sports alternatifs, il y en a des tonnes. On pourrait quasiment en faire une chronique où je pourrais t'ajouter des petits fils dans ta chronique de sport si ça te dérange pas trop, mais que t'en fasses ça. Ça va. Donc, un sport qui s'appelle... on dirait qu'aujourd'hui, c'est ma technique pour cacher des jokes. Ouais, hein? J'ai jamais fait ça avant, on dirait. Mais là, aujourd'hui, je fais comme... tout le temps. Il y a un sport qui s'appelle le Headis, vas-tu le dire? Hey, ça a l'air tellement stupide. C'est en... Hey, le jugement. En Allemagne, le Headis, c'est un hybride du soccer ou le vrai football et ouais. Du tennis de table. C'est un sport qui utilise donc une table, similaire au tennis de table, ping-pong, mais les joueurs doivent frapper un ballon, une balle de 7 pouces avec leur tête. Les tactiques du tennis et du ping-pong sont incluses là-dedans, et des éléments du soccer comme le header, évidemment. Mm-hmm, évidemment. Claque avec la tête, pas le choix. Ça a l'air quand même, je veux dire, c'est le fun à regarder. Ça a l'air demandant. Ça a l'air épuisant, tu le dis, mais moi je me demande si la table aurait pas dû être plus grosse. Après. Ouais, moi aussi. C'est vraiment la table d'une grandeur de ping-pong, Je trouve ça trop petit. Pour le ballon. Oui, on dirait que t'as pas de place pour faire des mouvements. C'est vrai. Je suis pas sûr. Tout à fait d'accord. Ensuite, oh, Tania, as-tu vu la photo du prochain? Il existe des mini-vaches qu'on peut acheter comme animaux de compagnie. Oh, c'est cute! Ils sont super poilus, ils sont toutes cute. Mais il y a pas d'échelle, donc à côté, on peut pas savoir la grandeur relative, ça. Non, mais ça a l'air quand même assez petit, là. On dirait un mouton. On peut se promener dessus en tant qu'enfant, je pense. En tant que bonbon. Voilà. Un sociologue de New York a observé que les femmes sont un bon indicateur des endroits publics qui sont de meilleure qualité parce qu'elles sont plus sensibles à tout ce qui est dérangeant. Exemple, si une place publique a une faible proportion de femmes, si quelque chose ne va pas. Si la proportion est élevée, c'est que la place publique est un bon endroit bien géré. Oh! Nous dit une étude, évidemment. Bien évidemment. D'un sociologue new-yorkais. Salty et Roselle, c'était des chiens guides qui étaient au World Trade Center pendant le 11 septembre. On est très très proche de cet anniversaire-là, c'est en fin de semaine prochaine. Donc ils étaient au 71e et 78e étage de la tour 1. Chacun de ces chiens guides-là ont mené leur propriétaire à sortir de la bâtisse qui était en feu parmi tout le chaos. Et non seulement les propriétaires sont restés vivants, les chiens aussi ont survécu. Ah, oh, ouais! C'est bon, c'est Salty et Roselle. Mais souvent, les chiens, là, puis les animaux vont avoir cette sensation-là, puis ils vont voir le danger arriver avant le temps. Et voilà, danger. Mon chien, il est de même, des fois. T'as un chien? Oui, j'ai un chien. Depuis quand t'as un chien? J'ai toujours eu un chien, c'est Mathieu. C'est le chien de tes parents, hein? Oui. OK, toi, t'as pas de chien en tant que tel. Quand tu déménages en appartement, t'as pas de chien. Non, exactement. Ça semble. À moins que j'essaie de partir avec. Ah oui, tu peux faire ça. Tes parents, ils l'ont depuis combien d'années? Je pense que ma mère m'attaquerait. Il a quel âge, ton chien? Mon Dieu, mon chien doit être rendu à 7 ans. Là. 7 ans? Quel nom? Bowie, comme David Bowie. Quelle sorte? C'est un chipou, c'est-à-dire un shih tzu mélangé avec un caniche. Attends un peu, ça aurait pas pu être aussi un sushi? Ça aurait pu. En tout cas, il y a un organisme italien qui a décidé d'enseigner aux gens c'est Zambie le nom du pays? Attends un peu. Sûrement. Je suis pas sûr. Zambie. David, qui est le gars de musique du monde, connaît ça, c'est la Zambie. Clairement la Zambie. on se cassera pas la tête, c'est la Zambie. Un organisme italien qui a décidé d'enseigner. C'est un pays en Afrique, voilà. Merci. C'est la Zambie, oui. Qui a enseigné donc aux Zambiens, aux musiques ambiantes. Aux Zambiens. De faire pousser la nourriture et paie les personnes qui habitent là-bas pour faire pousser les tomates dans une vallée fertile qui n'a pas d'agriculture. Lorsque les tomates deviennent assez grosses, ouais, assez mûres, il y a 200 hippopotames. En fait, là, on parle au passé. Ils ont enseigné aux gens à faire ça. Et lorsque c'était les tomates assez grosses et qu'elles étaient mûres, 200 hippopotames sont sortis de la rivière et ont tout mangé. Et les Zambiens ont expliqué, c'est pour ça qu'on n'a pas d'agriculture. Ah mon Dieu! Imagine, t'enseignes ça aux gens, genre, faites pousser vos tomates, puis finalement, les tomates poussent, puis il n'y en a plus. C'est triste. T'en as même pas profité avec du sel puis du poivre. Ridicule. Est-ce que tu connais le point Nemo? Non. Non. C'est le point le plus loin de toutes sortes de terres sur la Terre. Donc, mettons, tu vas faire une triangulation de toutes les côtes, ouais, les terres, et tu vas aller faire une moyenne au milieu d'un océan. Okay. Et c'est le point Nemo et le point le plus loin de toute Terre. Ah, oh, ouais. Ça s'appelle le point Nemo. Mais à quoi ça... T'as quoi pour... Ben, à quoi ça sert d'avoir un équateur? À quoi ça sert, okay, ouais, en tant que tel? On s'en fout un peu, tu sais. Hein? Le pôle magnétique, mettons, sert à quoi? Hein? Je comprends. Au début du cola, la liqueur brune, le breuvage recevait sa saveur de la noix de cola, okay, qui était naturellement caféinée et qu'on retrouvait dans les arbres des forêts pluvieuses de l'Afrique. Aujourd'hui, la saveur est copiée en utilisant une combinaison de cannelle, de vanille et d'agrumes. On n'utilise plus la noix de cola. Autant qu'il n'y a plus de... C'était quoi qu'il y avait dedans? De la cocaïne aussi, à un moment donné? Ouais. C'était Coca-Cola, cocaïne, cola comme la noix. Mais là, il n'y a même plus de cola. Non plus. La noix est même plus là. Oh, cannelle, ouais, vanille, agrumes. On sait pas ça, quels agrumes. En passant, là, on cherchait l'utilité du point Nemo. Ouais. Apparemment que c'est très, très utile dans la littérature et dans l'art. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits proches du point Nemo. L'histoire prend place, okay, près du point Nemo. Ils sont pas allés au point Nemo pour l'écrire. Non, exactement. C'est pas clair. C'est juste que c'est devenu quasiment fictif. C'est mythique. Et voilà. Ouais. Les États-Unis et la Russie, oui. La Russe? La Russe. Laquelle? Ah, je... Hey. En tout cas, parle-moi pas là-dessus, une Russe, là. Hey, hein? Et crime que je n'ai vu une tantôt. Ouais? Sur Internet. Je sais où ça, Mathieu? Je sais. Non, faut pas que j'en regarde... Il est toujours célibataire, oui, madame. Toujours. Le mot est bien choisi. J'aime comment Steph et moi, on essaie de matcher nos co-animateurs. Steph de Génial Liberté, les oui, jeux du matin à 9h30. Exactement. Ouais. Les États-Unis et la Russie ont des îles qui sont à 2,5 milles de distance, 2,5 miles ou peu importe, et l'eau entre les deux va geler l'hiver. Donc, techniquement, tu peux marcher des États-Unis à la Russie. Ah, oh, ouais! Pas pire quand même. 2,5 000, évidemment, Tania, tu sais ça par cœur, que ça fait 4 km. Tout à fait. Tout le monde sait ça. Je savais ça comme ça. De même, là. C'est sorti dans mon cerveau. Ça, c'est 4 km. Est-ce que tu connais la chanson Hit Me Baby One More Time de. Ben, certainement. Britney Flesh. C'est cette chanson qui a marqué ma jeunesse. Ouais. Hit me baby one more time. C'est là. Ouais. Apparemment, c'est une mauvaise traduction, la chanson, le titre en tant que. Hein? Ben voyons donc. Oui, l'auteur est suédois. OK. Comme dirait Jean-Philippe Charbonneau, directeur général, je vais aller suédois. Donc, l'écrivain suédois de la chanson de Britney Spears croyait que Hit Me était du slang américain pour Appelle-moi. Ah, ouais. C'est un peu comme l'ancêtre de Call Me Maybe de l'autre. Ben oui. Hein? De Kellery Jackson. Exactement. C'est ça. Donc, il pensait que c'était du slang pour appelle-moi. Donc, hit me baby one more time, ça voulait dire appelle-moi bébé une autre fois. Ah, oh, ouais. Eh ben, hein. Eh ben. Aux États-Unis, si tu reçois de la marchandise, ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui attendent des paquets par la poste. Je sais pas. Donc, aux États-Unis, si tu reçois de la marchandise, par exemple, d'un vendeur en ligne que tu n'as pas commandé, OK, tu reçois quelque chose par la poste que tu n'as pas commandé, tu as le droit légalement de le garder. C'est un cadeau gratuit. Et si, okay, et t'es pas légalement obligé non plus de le dire au vendeur que tu vas le garder. En tant que tel, c'était au vendeur de s'assurer que ça arrivait à bonne place. Un peu comme sur quand t'envoies un virement Interac ou un virement accédé, ouais, et qui te demande de 2, 3, 4 fois de vérifier le numéro de chèque ou peu importe de la personne. Ben, si t'envoies un paiement de 500$ pour ton loyer à mauvaise personne, si le problème est à qui? Il est à toi. C'est vrai. C'est toi qui n'as pas écrit comme fou l'adresse. Tout à fait d'accord. Moi, en tout cas, je comprends pourquoi on a choisi cette loi-là. Mm-hmm. Crime, on arrête là. On a terminé avec notre liste de faits pour aujourd'hui. C'était cool, ça? Ben oui. On se sent un petit peu plus intelligent que tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. On rappelle à la Russe que Mathieu a croisé tout à l'heure qu'elle peut venir nous voir. Oui, comment elle s'appelle déjà? Je sais pas. Aislinn. C'est toi qu'il faudrait qu'il dise. Elle s'appelle Aislinn. Aislinn. Ça retour. S'appelle pas russe. Non, je sais. C'est une Canadienne en plus. En plus? Ok, elle est pas russe. Elle est sûrement pas russe en fait, c'est ça. Tu nous as menti. Ah, je sais pas, moi. On va lui demander. Dis qu'elle s'arrête. Sûrement des origines russes ou au moins genre. Ouais, mais les gens, là, ils pensent tout le temps ça. Regarde, moi, tout le monde pensait que je suis russe. C'est vrai que t'es russe. Quand t'étais blonde, t'avais vraiment l'air russe. Je sais. En tout cas, cherchez Tania Baudin sur Facebook. Demandez-la comme amie, elle va vous refuser. Écrivez-y en privé, elle va vous bloquer. Puis peut-être qu'éventuellement, vous allez pouvoir en trouver. Bref. J'ai plus de photos que je suis blonde. Ils de toute enlevé. Façon. Oui. Est-ce que t'es genre gênée? Non, c'est juste que ça datait de quand j'étais plus jeune. Ouais, mais Facebook, c'est pas fait pour enlever des affaires. C'est comme les gens qui acceptent pas les amis. C'est comme, veux-tu avoir moins d'amis? C'est quoi? Hey! Hey. Arrête de juger le fait que je refuse les gens sur mon et que t'es bloqué aussi. Je les bloque pas toutes. Je les bloque pas toutes. Juste une majorité. Ah, mais il y en a qui sont agressants. Je sais, bon, moi aussi. Hey, je m'excuse. T'sais, après quatre fois de m'avoir écrit que tu voulais m'apprendre à danser le... Ouais. Je me sens mal parce la que... La danse du corps, là. Moi aussi, j'ai bloqué quelqu'un sur Facebook. Un auditeur, en plus. Je me sens mal. Oh non. Mais ah, ça, faut pas le dire. S'il nous écoute aujourd'hui, il va se reconnaître. Mais je veux qu'il sache que je l'apprécie quand même comme auditeur. Un peu moins comme personne sur Internet. Tu vois, il devrait aller liker la page Facebook de Sans Plage Requis. Il l'a fait. Et voilà. C'est ça. Bref. Qui écrivent là-dessus. Oui, écrivez là-dessus, mais pas trop souvent. Exactement. Parce qu'on peut vous bloquer sa page aussi. Au retour de la pause, David Ferron et une chronique tout à fait spéciale, on lui en parle au retour. Oh oui! Aujourd'hui. Bon, retour toujours à Assemblage Requis en ce mardi 6 septembre 2016. Talia me montre une photo d'elle blonde, mais c'était une photo qui date des années 90. C'est comme c'est la seule qui me reste sur mon Facebook. T'avais quel âge? J'étais très jeune, je pense que j'avais 5 ans à ce moment-là. Je suis sur la photo pour vous situer, je suis avec mon cousin, on était au Grand Prix de Trois-Rivières, puis je pleurais, puis on s'était fait prendre en photo, puis on avait passé dans le journal de Montréal, comme quoi mon cousin me réconfortait. Parce que je trouvais ça difficile cette journée-là, ça a l'air. Mais celle-là, pour vrai, tu peux sûrement la partager sur la page de Sondage. Bon, ok, je vais aller le faire. Là-bas, vous entendez réagir derrière, c'est David Ferron. Salut David! Salut! Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Depuis combien de temps? Au moins l'hiver passé, certainement. Ben, il y a très très longtemps. En mars? Quand est-ce que t'as arrêté les palmarès du monde? Mars, sûrement, avril? Ouais, à peu près. Oui, avril, fin avril. Il me semble que oui. Donc, on t'a regardé jusqu'à la fin de la session d'hiver passée. Là, tu reviens, mais on garde le secret de pourquoi tu reviens, en fait, pourquoi t'es de retour dans les parages. C'est pas encore sorti, la nouvelle. Non, c'est ça. On garde ça très, très subtil. Mais t'es de retour pour nous partager un petit peu de musique. En attendant, eh oui, c'est des découvertes musicales que j'ai faites au cours de l'été. Génial. Donc, on appelle ça la carte bleachée. Oui. Salut David Ferron. Allô Mathieu, ça va bien? Absolument, ça va bien. Content de te revoir après autant de temps, au moins 5 mois. On l'a dit au moins 5 mois. Ben oui, je suis content surtout de revoir Tania. Oui, ben oui, moi aussi. Ouais, hein, je me sens vraiment apprécié en ce moment dans mon propre studio. Hein? Ben on t'aime Mathieu. Merci, t'es fin, je vous aime beaucoup aussi. Ben vous faites un beau duo. Ah, je pense merci. Que oui. Team de feu. C'est notre deuxième année, savais-tu que c'est le 7e automne d'Assemblage Requis? Le 7e automne? Ouais. Je pensais que ça faisait plus que ça. Non, crime. Le temps est long. Je pensais que ça ferait bien en faire. Ben là, je pensais à dire que ça faisait moins longtemps que ça dans ta tête. Là. Ça a passé vite, quelque chose comme ça. Ben on est là depuis 2009. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7e année. Attends un peu. 8e? Hein? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8e automne. Ben faut fêter ça. C'est-à-dire qu'on a complété 7 ans. Waouh! En tout cas, bref, peu importe, on n'est pas là pour faire de l'autopromotion à outrance. David, cet automne, on va te retrouver pour probablement, en général, autre chose que cette chronique-ci. Oh! Paraîtrait que ce sera toutes les deux semaines. C'est ça. C'est pas tous les détails qu'on peut laisser tomber pour l'instant. Mais une fois de temps en temps, j'imagine que tu vas nous ramener quand même ta carte bleachée. Oui, ça va dépendre. Quand tu auras l'envie de le faire, évidemment. Ben oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la carte bleachée? La carte bleachée, c'est en fait... c'est une chronique que je considère tellement décapante qu'elle va avoir un effet javelisant dans vos tympans. C'est bien dit quand même. C'est vrai. C'est bien dit. Puis l'autre semaine, aux deux semaines, ça va être la carte bleachée où tu vas juste parler contre les gens, c'est ça? Genre, entre les gens. Vous sonnez donc bien Rhythm FM un matin parce que vous jouez les Beach Boys. Ouais, donc c'est à dire que David nous a dit ça. Ben là, j'allais vous dire que vous êtes comme les Marina Orsini, les Sébastien Benoît de l'animation de C'est fou. Là, ah, wow, vous merci. Faire un beau c'est compliment. Un compliment? Oui. OK. Merci. Parce que moi, Marina Orsini, je suis désolée, mais... Oh non, t'es pas sérieux! C'est pas ma préférée. Imagine si ça devenait porte-parole du Grand Prix l'année prochaine. You're done, Tania. C'est done. Ça. Exactement. Ah, Tania, tu vas vieillir, à un moment donné, tu vas perdre tous ces jobs-là. Pareil comme Marina Orsini, n'est-ce pas? Elle gagne des jobs, non, c'est vrai, elle vieillit. Elle prend de plus en plus de place. Non, ça a l'air grosse. D'ampleur, non, ça a l'air grosse aussi. Elle prend plus de... Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire? De visibilité. D'envergure. Ah, oui. Mais pas de poids, là. Non, exact. Du côté même, carrière. C'est ça, du côté carrière. Bref, David, la carte bichée, tu l'as dit, ce que ça voulait dire, mais maintenant, il faut parler du contenu plus que du contenant. Tu nous parles de découvertes estivales que tu as fait entre, j'imagine, avril et maintenant. Oui, exactement. J'en ai fait plus que trois, mais trois, c'est parce qu'il faut que je fasse de la recherche pour vous expliquer c'est quoi les tunes, puis moi, je suis paresseux. Fait que... Mais t'es un... Non, on va le dire. T'es au moins, il le dit. Il s'assume. T'es un recherchiste professionnel. On doit le dire quand même. T'as fait beaucoup de recherches pour les palmarès du monde dans ta vie et tes autres émissions que t'as fait par le passé. T'es très bon là-dedans pour écrire en plus des petits merci. Textes et tout ça. Fait que, merci. Qu'est-ce que t'as découvert cet été, David? J'ai découvert trois choses. Entre autres, trois choses. Ouais, ouais. Donc, oui, mais tu m'avais promis que tu jouerais après ma toune de l'Eurovision. Je la connais pas, ta toune de l'Eurovision, ben, c'est quoi? Je vais te le dire après les trois tounes. OK, à la fin. Parce que vu qu'on a joué les Beach Boys, pareil comme à Rouge FM, exact. Il faut que tu puisses jouer ta toune de l'Eurovision. Exactement. Qui est un concours de chant quétaine mondial. Oui, sinon, je fais plus de chronique. OK, bon, ben parfait. On va tout faire ce que tu me demandes. Tes désirs sont des ordres. Mais commençons par tes vraies découvertes, les trois. Oui, je vais aller en ordre décroissant. De quoi? De date, de durée de chanson? Ben, d'apparition des chansons. Donc, la première que je vais vous présenter, c'est la troisième qu'on va entendre. Oh, cool! J'aime ça, c'est pareil comme à la radio. Ben oui, exactement. Pareil. Ben oui. On dirait qu'il a déjà fait ça. Je sais même plus. Je sais même pas ce qu'il y a devant moi. Je parle à un espèce de cylindre avec de la mousse, puis je pense que c'est pour ramasser la poussière. Dis de même, c'est bizarre! Ah, il est en train de flatter la table avec les micros. C'est un micro. C'est le retour des mimes de David Ferron à la radio. Oui. Un vrai pantomime, David. Oui. Ouais, on devrait t'engager pour faire du théâtre avec avec tes mains sur un mur avec une lampe. Exactement. Pourquoi vous proposez pas une version à la télé communautaire? J'avoue, d'assemblage requis, mettons. C'est pas pire, ça. On l'a dit, caméra 3. Ben, on est bien populaire en Chine. Oui. À la télé chinoise. Hein? Exactement. Ah ouais. Sur le YouTube chinois. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils nous écoutent, ils ont l'impression de comprendre. Ouais, on est tellement expressif dans notre face qu'on n'a pas besoin de se faire comprendre dans les mots. Ben c'est cool, ça. Vous avez une carrière internationale. La Chine, c'est quand même 1,5 milliard au moins de monde. Oui, exactement. Peut-être qu'on ferait plus d'argent là-bas. En fait, évidemment, tout ce qu'on vient de dire là, les gens n'ont pas compris que c'est la Chine proche de Montréal. Ouais. Ils comprennent rien quand on parle. Mais c'est parce qu'il n'y a pas 1,5 milliard de personnes à la Chine à Montréal. Ben oui, oui. Ben oui, t'as pas tout vu dans le même appartement. Wikipédia l'a dit. Oui, c'est vrai, c'est une source très fiable. Je sais. Bref, ça me manquait les petites discussions de même sans aucun but. Ouais. C'est ça, la carte bichée, dans le fond, c'est juste un prétexte pour dire n'importe quoi. C'est ça. Des fois faire des sketchs, des fois faire des affaires préenregistrées. Ouais. Cette chronique-là, c'est tout et rien en même temps. Puis je pourrais même, comme nouveau personnage, faire une femme russe jolie, sexy. Rousse. Évidemment, rousse. Si elle est russe et rousse en même temps, là, elle gagne le cœur de Mathieu Paul. Ah, rousse. Je suis rousse, Mathieu. Salut, Mathieu. Caroline, ça vient d'où cet accent? C'était semi-russe. Je pense que c'est quelqu'un qui a, tu sais, ceux qui ont des tatous puis la langue coupée en deux comme un serpent. Je pense que c'était comme ça que ça sonnait. Ça se peut possibilité. Pas mal sûr que ça. Non, j'ai décidé de plus faire de personnage. Ça marche. C'est qui décide, c'est qui le boss? Moi. Ouais, c'est vrai. Ben, concernant mes personnages. Vu que tu payes une cotisation, t'as raison. Ben, en fait, puis à ce temps, je peux étudier. C'est vrai, t'as raison. Mais... Pour le poste que tu vas occuper, t'as pas le droit d'être étudiant. Ah, indice numéro 2! Oh, indice numéro 2. On devrait se rendre à la réponse d'ici la fin de l'émission. C'est quoi? C'est fou de décider de faire une collaboration avec Poste Canada? Ah, c'est ça. C'est bien. On coupe des postes. C'est pour ça qu'on commence juste officiellement le 12 septembre. Exactement. Le poste. OK, oui, ouais. Poste, quand on parle de poste, Poste Canada. Ouais, c'est ça. Mais oui. Ou poste comme le céréales, fait qu'on va peut-être manger des céréales. Wheaties. Je vous annonce que je vais produire des céréales. Colin. Poste. Génial, tu vas nous rendre réguliers. Oui. J'ai hâte. Oui. Un petit peu de yogourt aux fibres. Oui, ça va, mieux. Ça va couler, là, ça va être incroyable. Bref, ton premier choix musical? Mais en fait, je comprends bien, je fais de la... Pas mal ça. OK. Donc, mes chansons, si on est capable... C'est ça qui est le fun, c'est que j'essaie... On se rend jamais. Hein. Non, pas vraiment. C'est n'importe quoi. Donc, avec la chose qu'on appelle micro, ce que vous appelez micro-tombe, oui, d'abord, la première chanson que je vous présente, donc la troisième qui va jouer, ça s'appelle Terrains of Castamir. C'est interprété par le groupe islandais Sigur Rós. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui, Sigur Rós. Oui, tu le dis bien. Ouais. Ou Sigur Rós. Ça dépend des gens, mais c'est pas mal ça. Donc, ça, c'est dans la trame sonore de Game of Thrones, saison 4. Parce que si vous me suivez sur Facebook, vous savez. Vous savez tous et toutes que j'ai dévoré les 6 saisons de Game of Thrones. Ah, combien de temps ça t'a pris? En un mois. Pour vrai? Hey, oui. Et as-tu dormi? Oui, oui, j'ai dormi, mais je vous dirais que j'ai passé de belles nuits avec... La personne dans l'émission qui t'attire le plus. On a tous quelqu'un dans l'émission qui nous attire particulièrement. Toi, c'est clair, hein? Ah! Hein? Toi, ça doit être celle des dragons. Mais je sais bien que c'est celle des dragons. Ben oui, c'est une jolie femme. C'est le numéro 1 de toutes les vedettes de TV qu'il y a aux États-Unis. C'est sûr. Limum. Elle est pas européenne, hein? Elle est européenne, je pense. Je sais pas. Je sais que c'est pas, elle est pas vraiment blonde. Et comme toi, elle est pas vraiment... elle est blonde. Non, elle est brune. Elle est brune, c'est ça, elle se teint en blonde. C'est celle qui joue dans Me Before You aussi. C'est ça. Ah. On a appris tantôt que tu teignais les sourcils, Tania. Oui, OK. Chut, on le dira pas trop fort. Ben, trop tard, tout le monde le sait. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Avec un E à Clarke. À cause de ça, plein de petites chinoises vont se teindre les sourcils parce que t'es populaire en Chine. Et elle vient de Londres. Oui, oui, elle a un petit accent britannique. Oui. Tout ce qui est le plus charmant. Voilà. Donc, c'est une chanson de la quatrième saison de Trône de Fer que tu vas nous faire entendre à la fin du bloc. Oui, parce que la série, je l'ai dévorée comme un champion de mangeage de hot dog le ferait pour défendre son titre. Avec un petit peu d'eau. Même pas, j'ai tout digéré ça, mais je vous avoue que je mangerai plus aucune tourtière de toute ma vie, mais ça, c'est un détail. Ah, d'accord. Okay. Spoiler, Ouais, je viens de spoiler quelque chose. Donc, c'est ça déchiqueté, hein, c'est ça. Chut, t'en dis trop. Excuse-moi. Dire qu'il y a un mort dans Game of Thrones, c'est comme genre tellement l'évidence. Je sais. Cas, lequel? Tout le monde se fait lequel? Tuer. Ouais, il en reste plus à la fin. À la fin, le générique commence, puis là, c'est comme des shots. Tu reconnais plus les personnages. Juste des paysages. Ou exact. Ça. Pendant une heure. Bref. Donc, on va écouter la Terrains of Castamir de Sigur Rós, qui fait partie de la trame sonore de la saison 4 de Game of Thrones. Mais avant, on va écouter une... Le titre de la chanson n'est pas très réjouissante, mais c'est un coup de cœur pareil. Mm-hmm. Ben, j'ai bien aimé l'univers musical. La pièce s'appelle Backwards Medicated et c'est de l'artiste Bryce Face. Et l'album s'appelle Koya, puis c'est sorti il y a genre même pas une semaine. Wow! Donc c'est une primeur. T'es à jour, David. Oui, j'essaye. Donc, Bryce Face, ou de son vrai nom Jordan White, c'est un artiste australien qui a sorti, justement, comme je l'ai dit, il y a quelques jours. En fait, c'est sorti le 31 août. Ça son album. Juste arrivé, ouais. Oui, exactement. Ça, c'est son premier album officiel. Je vous explique après qu'est-ce que je veux dire par premier album officiel. Et en fait, White décrit son style comme de l'ambient pop exploratoire. Et je vous dirais, en fait, c'est quoi ça veut dire? C'est une voix qui est très aérienne. Musicalement, c'est des notes de piano avec des touches électro, avec un petit accent tribal aussi, mais c'est jamais saturé, c'est jamais trop. Ouais. C'est pas dans les ou. Non, non, c'est un petit peu comme ta trame de fond. Ouais, exactement. Très ambiante zen. Oui, mais c'est pas slow. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme du Peter Gabriel avec du Trent Moller, mais version soft. T'as vraiment des très bons comparatifs, ouais. Je dois dire. Ouais. J'essaye de montrer que je suis pas trop rouillé. T'as des bonnes connaissances musicales. Donc, ben merci beaucoup. Et ce que j'essaye de dire par premier album officiel, c'est que tout au long de l'année 2015, une fois par mois, il sortait des albums sur SoundCloud. Mais là, il a décidé avec un producteur de peaufiner le projet et de faire l'album Koya, qui est son premier vrai album, si je peux dire ça. Est-ce que c'est avec les pièces qui avaient sorti pendant l'année, donc comme un genre de mash-up best-of de ces pièces-là? Ben en fait, c'est très exploratoire, okay. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose qui est plus abouti, parce que pendant qu'il sortait les 12 albums, il faisait de manière indépendante, mais là, il y a un producteur qui l'a spoté, qui dit « on va faire un album ensemble », et et c'est devenu Koya. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ben oui. On va l'entendre tantôt, au milieu du bloc. Oui, et avant ça, on va entendre OK va s'essaber. Je sais même pas si mon accent portugais est adéquat. Il y a des circonflexes sur le E de voce. Ouais. Mais sinon, j'ai aucune idée comment ça se dit. OK va s'essaber. Donc, si quelqu'un, auditeur, auditrice, parle le portugais, s'il vous plaît, aidez-moi parce que je sens que je suis en train de massacrer le titre. Les étudiants arrivent demain en plus. Fait que là, les gens auraient couru jusqu'à notre porte si on avait c'est été demain. Sûr. Ben oui. Maudit. J'ai pas le sens de timing. Non, vraiment pas. T'as des connaissances musicales, mais aucun timing. Je peux pas être parfait. Non, c'est ça. Chose à la fois. Ouais, exactement. On va t'améliorer, on va te mouler à notre image. Ça fait 5 ans que t'essaies de le faire. C'est ça. Bonne chance. Peut-être qu'avec Tania. Ah! C'est vrai qu'on n'a pas tellement fait de radio ensemble les trois, là. Ouais, hein. L'année passée, ta chronique avait pas lieu bien souvent. Ouais, exactement. Non, j'étais pas très assidu. Non, ben c'était une année, comment dire, de transition. Et voilà. Ouais. Ben oui, avant... de savoir maintenant que j'allais faire des projets que je savais même pas que l'année passée j'allais faire. C'est ça, et qu'on peut pas dire ce que c'est. Non, encore. Exactement. Parce qu'on a des petits cachotiers. Exactement. Oui. C'est ce qu'on veut dire agace. C'est exactement oui. Ça. On aime ça, je pense que c'est dans notre habitude d'être oui. Agace et agacé. Donc, ta première pièce, on s'en va entendre là. Oui, donc c'est en fait la pièce OK va chez Sabé et ça vient du projet Son Zera qui est dirigé par Jill Peterson et le disque, ça s'appelle Tam Tam Reimagined. Je vais recommencer, Tam Tam Reimagined. Oui, Tam Tam Vagina, c'est ça? Oui, c'est ça, ça ressemble. Ben, en fait, Tam Tam Réaménagé. Oui, ça va pas bien. Anticonstitutionnellement. Les deux dernières chansons que t'as présentées, ça avait super bien été, puis la troisième, c'est... C'est toujours comme ça. Non, mais t'as-tu vu le titre? Ouais, non, j'avoue. Ben, c'est... en fait, c'est Tam Tam réaménagé ou... réinventé, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, comme vous le savez, le Brésil a eu un été chaud. Oui, absolument. Ben oui. Politiquement, le calme plat, au niveau sportif aussi. Mm-hmm. C'était assez drabe. Oui. C'était assez drabe, le Brésil. C'est rien passé. Exactement. Rien d'exceptionnel. Donc, je me dis, pourquoi pas une toune brésilienne pour vous rappeler que le Brésil existe encore. Les gens, en passant, qui écoutent et qui comprennent pas le sarcasme, vous êtes probablement pas à bonne station. Non, en effet. Ouais, mais ils comprennent, je suis mal sûr. Même l'auditeur que t'as bloqué. Faut pas ça aussi. On le resalue. Merci de le rappeler. C'était David, en fait. C'est ça. Je l'ai bloqué sur non, c'est Marie-Melon. Non, c'est pas vrai. On ramène pas Marie-Melon, elle est morte. Oui, c'est vrai. Ben oui. Une minute de silence. Ben oui, des fois son fantôme apparaît, mais... Le silence, David. Deux secondes. Le silence. David a un petit trouble de déficit d'attention, je pense. Il est pas capable de prendre une minute de silence. Ouais. C'est ça. La minute a passé vite. Quand même. Est-ce que c'était fini pour la présentation de la première chanson? Oui. La troisième chanson, mais la première du paquet. Oui, tout ça pour dire qu'en fait, Jill Peterson, qui est un DJ, découvre un groupe qui s'appelle Tam Tam Tam, qui est un groupe brésilien qui existait à la fin des années 50, mais à cause des problèmes politiques du Brésil, ça c'est très nouveau, les problèmes politiques au Brésil, eh bien, le groupe a passé sous le tapis et heureusement, ben, Jill Peterson et son groupe Son Zera ont redécouvert Tam Tam Tam et là, il est allé en Angleterre et au Brésil pour remixer les chansons. Tu veux dire qu'il est tal-tal-talé? Oui, exactement. Et ça fait le projet pour réinventer Tam Tam Tam qu'on va écouter maintenant. Génial. Son Zera, OK, va chez ça. Oui. Assemblage requis sur ces fous. We'll be right back. Quoi déjà l'émission là, avec Joël Legendre puis Élise Marquis? Enfant forme. Enfant soleil, hein, David? C'est ça? Enfant soleil. Bonjour, bienvenue à Enfant soleil. Bonjour. Faites des dons. C'était ça. On vient d'entendre donc le bloc thématique sur les découvertes musicales de l'été de David Ferron dans les, la carte bleachée, n'est-ce pas? Oui, exactement. On vient d'entendre la pièce The Reigns of Castamere de Sigur Rós qui apparaît sur la trame sonore de Game of Thrones 4e saison. Avant ça, c'était la pièce Backwards Miscated de Brightface. C'est tiré de l'album Koya. Mais en premier lieu, on a entendu Ok Voce Sabe de Jill Patterson Present Son Zera et ça fait partie de l'album Tam Tam Reimagined. Et j'ai réussi! Bravo! Hey! David Ferron et sa prononciation sans aucune reproche. Aucun reproche? Aucun reproche. David, merci pour ta chronique sur la musique d'été. On va se quitter avec une autre pièce que tu as envie d'aller entendre, qui ne fait pas nécessairement partie de ta chronique, mais qu'on va utiliser pour se rendre jusqu'à la pause et la prochaine chronique. Qu'est-ce que tu nous présentes, David? Ben, en fait, je vous présente la pièce parce que oui, j'ai un petit côté quétaine, je dois l'avouer. Oui, assume-toi. À chaque mois de mai, parce que c'est là qu'a lieu le concours européen, ça s'appelle Eurovision. C'est des pays, en fait, c'est des chanteurs et des groupes qui viennent d'un pays. Et le but, c'est de remporter le concours de l'Eurovision. Donc, c'est un chanteur, une chanteuse qui représente le pays qui gagne. Donc là, cette année, c'est l'artiste de Crimée. Donc ça, la Crimée, c'est une région de l'Ukraine qui appartient désormais à la Russie. Oui, il y a une grosse controverse par rapport à la propriété de ce pays-là. Exactement. Donc c'est la chanteuse ukrainienne, ben russo-ukrainienne, en tout cas, peu importe si c'est selon votre allégeance politique, mais c'est la chanteuse de Crimée, Jamala, qui a gagné... en fait, le concours, on pensait tout que ça allait être le russe qui allait gagner, avec une chanson très quétaine, mais non, heureusement, je suis très content. Parce que c'est l'Ukraine qui a eu le dessus sur la Russie pour une fois. Voilà. Donc, Jamala qui fait aussi d'excellentes crêpes. Et on te retrouve dans quelques semaines la prochaine fois. Mais là, j'avais quand Jeremiah. Excuse-moi. Et là, on va entendre la pièce 1944 de Jamala. À très bientôt, David. On annoncera ton poste et ce que tu vas venir faire à l'émission plus tard. Mais on va te retrouver minimum aux 2 semaines. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Tania. Merci. They come to your house. They kill you all and say we're not guilty. Not guilty. Where's your mind? Your manners, your crowds. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. You're a royal mother. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain ya. Vous êtes assez pour l'écouter. C'est fou. CA. 89.1. Vous écoutez Assemblage Rocky, on est le mardi 6 septembre 2016 et Tania Baudin avec Mathieu Blanc. Nous allons pour une nouvelle saison qui commence officiellement le 12 septembre, mais nous on commence à l'avance un petit peu parce qu'on est des rebelles, comme ça on n'est pas pour suivre les règles, on veut commencer avant le début de la session, nous. Exactement. C'est de même, hein? Mais oui. Ça prend l'OLSC. Hein? Mais c'est ce qu'on aime ça animer le matin et puis se lever vraiment de bonne heure. Je pense qu'on est plus en forme que l'après-midi, les mardis de l'été. Oui, moi aussi je trouve. Oui, on a du café puis on est pompé, on est primé. Exactement. Il nous reste seulement on dit une quinzaine de minutes. Probablement une demi-heure, un petit peu environ. Ouais. De temps à l'émission d'aujourd'hui et juste assez pour accueillir le retour de la version quotidienne de la chronique de Tania Baudin. Oui, voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. And she's gonna entertain ya. Okay. Donc, Tania Baudin, la version quotidienne, tu l'as fait en version hebdomadaire pendant tout l'été, donc on n'a pas arrêté. Mais là, on revient avec une chronique par jour. Oui. Jusqu'à la preuve du contraire ou d'autres trucs qui vont se rajouter, se remplacer, va-et-vient de chronique, mais au moins une fois toi par jour. Oui, exactement. C'est ce que ça veut dire. Au moins. Oui, parce qu'on a des beaux projets qui arrivent. On manigance des choses. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Mais tout à l'heure, je vous disais que j'allais discuter avec vous de certaines applications qui allaient peut-être sauver votre vie. OK, sauver les enjeux notre... sont élevés aujourd'hui. Exactement. Sauver notre vie était peut-être un grand terme. Mais tout ça pour dire que ça allait peut-être vous aider dans votre quotidien, en fait. Si vous êtes du genre à vouloir apprendre quelque chose de nouveau ou c'est tout simplement vous êtes du genre à rencontrer des gens d'un petit peu partout dans le monde. On le sait, même ici à l'UQTR, il y a des gens, des étudiants internationaux qui débarquent et parfois, peut-être que de discuter dans une autre langue est peut-être pas la meilleure façon pour vous de discuter. Faut prendre la drogue, ça. Non, je dis pas ça, mais peut-être est-ce que vous aimeriez avoir une application qui va vous apprendre une autre langue. Et c'est quelque chose que j'ai découvert parce qu'au cours de l'été, j'ai rencontré des gens qui ne parlaient pas nécessairement le français ou super bien l'anglais, mettons. Est-ce qu'ils étaient latinos? Il y en a certains, est-ce oui. Est-ce qu'ils jouent au baseball? Il y en a certains, oui. Donc, de ce côté-là, quand que tu parles pas nécessairement français ou que tu ne te débrouilles pas à 100% en anglais, parfois la communication est assez difficile. Donc, j'ai dû faire appel à des cours du cégep qui dataient vraiment de très loin, considérant le nombre de présences que j'avais eues en classe, de mon cours d'espagnol. Ouais. Et je me suis vite rendu compte que c'est pas pour rien que Google Traduction m'avait tant aidé. Ouais. C'est que j'étais pas super bonne. Ah bon, au moins. Alors, de ce côté-là, une des personnes que j'avais rencontrées m'a tout simplement guidée vers la superbe application qu'est Duolingo. Oui, Duolingo. Exactement. C'est cool, ça. Et j'ai décidé de vous la présenter parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui la connaît. Moi, personnellement, je la connaissais pas. Et depuis deux jours maintenant, depuis hier matin, j'essaie d'améliorer mon espagnol parce que j'avais quand même une petite base qui était « Una cerveza, por favor ». Puis « Mi casa es tu casa Donc, de ce côté-là... Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ouais, ça c'est la première langue qu'ils apprennent en français. Donc, de ce côté-là, Duolingo m'a quand même beaucoup aidé avec Google Traduction. Mais j'ai toujours beaucoup aimé l'italien aussi et oui. Ça fait des années que je veux apprendre l'italien, alors j'ai vu l'opportunité avec Duolingo de le faire. Ce qui est le fun, c'est que Duolingo, ça prend pas nécessairement des cours. Tu sais, si vous voulez apprendre une autre langue, bien souvent, ce qu'on va devoir faire pour apprendre une autre langue, c'est soit vraiment chercher à plat de couture tout ce qu'on peut faire ou suivre un cours dans une certaine langue. Et là, Duolingo, sachez-le, c'est complètement gratuit. C'est disponible sur iOS, Android et Internet aussi. Donc, si vous n'avez pas nécessairement un téléphone cellulaire, mais que vous aimeriez le faire, vous pouvez le faire à partir de duolingo.com. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, c'est une application, mais aussi, c'est possible de le faire sur Internet. Alors, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Bien, c'est pas très, très difficile. C'est vraiment amusant et vous allez vraiment devenir accro très, très rapidement. J'ai comme fait les trois premiers tableaux. En temps normal, vous allez un tableau par jour pour avoir cette fameuse constance-là. Constance, oui, ça se dit? Oui, constance-là, par jour pour pouvoir justement se souvenir de ce que vous apprenez. Oui, un momentum. Mais je m'en suis tapé trois hier matin en déjeunant. Ah, parce qu'il n'y a pas de limite. Tu peux continuer au-delà. Oui, exactement. De la... ça va vraiment dépendre de ta propre mémoire. Et là, vous voyez, ce matin, j'ai déjà tout oublié. Là. Non. Donc, vous allez gagner des points avec les bonnes réponses et bien évidemment, vous allez vous entraîner en mode contre la montre à un certain point et vous allez passer par la suite au niveau supérieur. Donc, vos leçons sont à la fois vraiment courtes, mais super efficaces. Et il y a vraiment eu des études par la suite sur l'efficacité de l'application. J'ai été sur le site Internet de Duolingo et il y a plusieurs recherches qui prouvent que c'est très, très, très bon. Entre autres, on parle d'une efficacité de 91,4 points d'amélioration pour les gens qui le faisaient en anglais. Donc, ouais. Si, exemple, vous étiez au secondaire et que vous avez de la difficulté en anglais, vous décidez d'utiliser Duolingo, bien, votre niveau d'anglais va s'améliorer assez rapidement et ça va être remarquable. Est-ce que tu as déjà essayé, peut-être pas, mais est-ce que tu penses que tu peux apprendre deux langues en même temps? Ben, c'est ce que j'essaie de faire présentement. Si ça ressemble trop, ça va être difficile, comme, mettons, l'italien et l'espagnol. Et l'espagnol, tu peux pas faire les deux. Parce que tu as le choix d'apprendre les langues que tu veux. Vous pouvez en ajouter le nombre que vous voulez dans l'application. Si vous voulez améliorer votre anglais, vous avez aussi le choix de choisir comme très débutant ou intermédiaire ou novice et blablabla. Donc, à ce moment-là, vous avez vraiment la chance de pouvoir apprendre à tel niveau la langue que vous voulez. Si vous voulez en apprendre plusieurs, vous pouvez le faire. Moi, présentement, j'essaie d'apprendre l'italien et l'espagnol en même temps. Ben voyons donc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Concentre-toi. Ouais, je sais. Mais j'ai quand même des amis qui sont italiens et j'ai des amis qui sont espagnols. Donc, j'ai cette opportunité-là aussi, en même temps, de pouvoir tester ce que j'apprends et de pouvoir discuter avec eux. Donc, s'ils me disent, ben non, c'est de l'espagnol, qu'est-ce que tu fais? Ah. Là, j'ai compris que peut-être que deux en même temps, ça sera peut-être pas la bonne affaire. T'as dit, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. No habla français. J'ai compris. Ça a l'air assez enfantin comme petite application avec l'icône qui est un genre de perroquet. Oui, ça me fait penser à Adibou dans le temps. Ben, tu sais, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Vous allez vraiment y aller avec des leçons qui sont vraiment très, très diversifiées. Donc, il va y avoir des exercices de prononciation. Vous allez devoir discuter avec votre téléphone. Vous allez peut-être avoir l'air un petit peu débile pendant quelques secondes. Oui, exactement. C'est pas pire que parler à Siri, ça. Non, c'est ça. Vous allez par la suite avoir des leçons d'écoute. Donc, on y va du côté verbal aussi, de la traduction et des questionnaires à choix multiples. Vous allez voir. Oui, c'est un petit peu enfantin parce que justement, c'est fait pour tout le monde. Ouais, familial. Exactement. Cette fameuse façon de faire avec des images puis tout ça, c'est quelque chose que vous allez voir dans les premiers tableaux que vous allez faire. Par la suite, ça va devenir bien évidemment un petit peu plus difficile, mais c'est fait pour que justement des jeunes au secondaire puis au primaire puissent l'utiliser aussi. Et c'est ça qui est le fun, parce que quand tu apprends quelque chose à un niveau qui est quand même assez bas, ben on met tout le monde sur le même pied d'égalité, puis t'apprends. Donc, tu peux pas nécessairement tout savoir la première fois que tu vas utiliser l'application. Alors, c'est vraiment très, très fun. Vous allez avoir aussi une correction qui est instantanée. Donc, vous allez découvrir instantanément si vous avez eu la bonne réponse ou si c'est la mauvaise réponse. Sachez que si vous avez la mauvaise réponse, ça va vous écrire la bonne réponse. Mais aussi, si vous avez la bonne réponse, vous allez pouvoir avoir une alternative aussi. Ah. Donc, vous allez voir, vous auriez pu aussi répondre ça. OK. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on vous donne des choix par rapport à ça. Et quand vous allez échouer à un exercice, ben on va vous montrer rapidement comment vous améliorer aussi. Et vous allez, par la suite, avoir un décompte de Siri. Alors, Duolingo va vous inciter à garder le bon rythme. Oui. Tout à l'heure, je vous disais par rapport à la constance une par jour. Une notification à chaque jour? Exactement. Ah, c'est que vous allez enregistrer le nombre de jours d'affilée que vous allez utiliser l'application. Tu veux battre ton record. Pour exactement. Vrai, les applications qui font ça sont celles qui me gardent le plus. Là. J'en ai plusieurs qui font ça. Oui. Ça me force à rester parce que sinon, j'abandonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si vous passez, par exemple, 3 jours non-stop sans aller sur l'application, mais vous allez recevoir une notification du style « Hey, ça fait 3 jours que tu n'es pas venu me voir. Que se passe-t-il? » J'aime ça quand même. Est-ce que tu veux échouer? Et vous allez aussi, bien évidemment, on parlait du côté un petit peu plus enfantin, mais vous allez avoir des cœurs qui vont donner de la vie aux leçons. Ah. Donc, quand tu vas les perdre et quand tu réponds de façon inexacte, tu vas arriver à un certain point où peut-être que tu n'auras plus de cœur, alors tu dois refaire des bonnes réponses pour en avoir. L'icône est un perroquet et je trouve que ça aurait été cool d'avoir le perroquet, genre d'entretenir le perroquet dans le jeu. Oui, l'empêcher de mourir. Ouais. Tu sais, les cœurs, empêche de mourir ton perroquet. C'est vrai. Comme un mais si t'as plus de cœur, c'est que tu dois recommencer ta leçon du début. Ouais, mais si tu veux un perroquet, c'est plus efficace. Ouais, c'est un petit peu plus morbide aussi, Mathieu. Ce qui est le fun avec cette application-là, c'est que vous pouvez vraiment apprendre quand vous voulez et où vous voulez parce que vous avez justement le fait de l'avoir sur votre téléphone intelligent. Bien évidemment, ça va prendre un petit peu de 3G si vous n'avez pas Internet. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qui en vaut la peine. Ouais. Je pense que sur un téléphone, un GPS puis une application pour apprendre une autre langue, c'est les deux seules raisons pour lesquelles ça ne me dérangerait pas de topper mon 3G. Dépendant de tes passions, mais je suis d'accord avec toi. J'avoue, exactement. C'est très noble comme application de vouloir utiliser ta vitesse d'Internet. Ouais, voilà. Ouais, et Duolingo, bien, sachez à quel point c'est efficace. Il y a des écoles qui les utilisent maintenant dans les classes, sur les ordinateurs. On voit de plus en plus d'enseignants et des systèmes scolaires utiliser des tablettes dans les classes, utiliser des ordinateurs, des Mac, peu importe. Alors, on instaure cette fameuse application-là un petit peu partout dans les écoles présentement aux États-Unis. Alors, c'est vraiment une plateforme d'apprentissage qui est bonne, qui est populaire. Et vous allez, justement, comme je le disais tout à l'heure, voir cette fameuse capacité-là à vous améliorer rapidement avec l'application. Et il y a des milliers d'enseignants qui disent que c'est excellent et qu'on voit que les jeunes peuvent s'améliorer à leur rythme en le faisant à tous les jours et en le faisant sur une application. Ça devient quelque chose qui n'est pas nécessairement un devoir. Donc, de ce côté-là, c'est le fun de voir que peut-être que les jeunes vont parler comme 12 langues quand ils vont finir le secondaire. Ben, c'est le fun, oui. Parce que nous, on n'avait pas nécessairement ça quand on était au secondaire. Et c'est ça qui est le fun, c'est que là, on a la possibilité d'apprendre où on veut, quand on veut, à notre rythme. Alors, Duolingo, c'est vraiment l'application coup de cœur de ma fin de semaine. Mais il y a aussi d'autres applications pour vous aider à apprendre d'autres langues qui sont quand même assez très, très bonnes. Je sais pas si toi, tu te souviens quand tu étais au secondaire et que tu voulais faire des cartes mémoire avant un examen ou quoi que ce soit. Oui, des flashcards. Exactement, des flashcards. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des flashcards pour apprendre des nouvelles langues. Et c'est un petit peu la même sensation dans l'application Memrise. M-E-M-R-I-S-E. Donc, c'est un jeu de mots en plus avec comme rise, oui, comme se lever, Memrise, exactement, comme mémoriser. Comme mémoriser. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on va y aller avec justement des flashcards et on voit aussi cette application-là sur Android et iOS. C'est que vous allez vraiment y aller avec des flashcards, ça va vous guider par rapport à ça. Et il y a quelque chose de quand même assez invitant dans la simplicité de cette application-là, parce qu'on se dit, bah, ça va être facile, blablabla, mais à un certain moment, ça devient de plus en plus difficile là aussi. Ouais. Mais c'est par exemple, c'est très, très... pour la base des choses, c'est super bon. Si vous voulez apprendre le russe, si vous voulez apprendre l'allemand, exactement. Donc, de ce côté-là, on a vraiment pris le même type d'idée que des flashcards, des cartes mémoire. C'est le recto verso? C'est sur Internet. OK. Mais ça te révèle la réponse après. C'est sur iOS, là. Oui, exactement. Donc, vous allez voir la réponse par rapport à ça. Il y a aussi une application qui s'appelle How to Pronounce. Donc, si vous avez de la difficulté avec votre prononciation dans une langue diverse, tu sais, parfois, c'est pas nécessairement d'apprendre la langue, mais c'est de venir améliorer notre niveau de cette langue-là. Alors, l'application How to Pronounce, c'est vraiment pour les gens qui ont de la difficulté avec la prononciation des nouvelles langues qu'ils apprennent. Ça a l'air super intéressant. Je ne l'ai pas encore downloadé, mais je vais certainement le faire parce que, vous savez, il y a des gens qui vont dire tomato, tomato. Oui. Et de ce côté-là, au moins, les deux sont bonnes dans celle-là. Exactement. Mais, tu sais, c'est un grand débat et bien souvent, c'est ce qui va faire la différence entre un accent purement bilingue et un accent qui va être peut-être différent. De plusieurs influences ou que l'art typiquement québécois parce que c'est pas nécessairement exact. Il y a aussi, ça dépend si t'as appris ton anglais d'un professeur britannique ou d'un professeur américain ou un canadien anglais. Il y a plein de façons de prononcer les choses. Et comme on est, même si t'as un professeur de Grande-Bretagne, reste que tu vis au Canada, tu vas à Montréal, t'as des gens de partout dans le monde, fait que ton anglais prend différentes twists. On n'a pas une seule lignée d'anglais quand on parle anglais en deuxième langue. Exactement. Puis c'est faut comprendre que cette application-là va pas vous apprendre la langue, ça va pas vous apprendre des phrases, ça va vraiment vous aider avec la prononciation de une phrase ou de certains mots. Et c'est vraiment une application super bonne comme supplément à une autre application. C'est un anglais international, j'imagine, pas britannique, mais. Mais vous avez le choix British, English. American, German, French. Puis si vous allez avec le français, par exemple, vous allez avoir le French France, French Canada. Puis vous allez avoir même chose, Spanish Spain, Spanish Mexico. Wow. Donc vous allez avoir cette fameuse accent-là qui va vous être prêté dans l'application et qui va vraiment venir amener un supplément d'information puis un supplément à une autre application comme Duolingo, par exemple. C'est quoi How to Pronounce? How to Pronounce, oui. Cool. Donc, moi, c'est sûr et certain que je vais la downloader après ça parce que c'est vraiment très, très, très, très, très, très, comment je pourrais dire, le fun à avoir sur nous en tout temps. Parce que si vous comprenez pas quelque chose par rapport à un accent quand quelqu'un vous parle, bien, vous pouvez peut-être chercher avec cette application-là au même moment avec la personne à côté de vous et vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous compreniez pas nécessairement dans l'accent. Et voilà. Super. Et on parle aussi de Hello Talk. Language exchange. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est que bien souvent, on dit, c'est bien beau apprendre une langue, mais si tu ne la pratiques pas, tu vas avoir de la difficulté à la garder. Quelle est la meilleure façon de pratiquer une langue? C'est de parler avec quelqu'un qui a cette fameuse langue-là. Oui. Et HelloTalk Language Exchange, c'est exactement ça. On va vous mettre en lien avec quelqu'un qui est dans une autre langue et vous allez échanger par la suite. C'est comme du bénévolat de leur part. Ils veulent t'enseigner à parler. En fait, c'est le mélange parfait entre apprendre une nouvelle langue et le networking. Wow. Donc, les médias sociaux comme par exemple Facebook. Tu sais, si vous voulez apprendre, je sais pas moi, le mandarin, vous allez pas vous mettre à chercher toutes les espèces de mandarins que vous pouvez trouver sur Facebook pour pouvoir parler les avec quelqu'un. Les espèces de mandarins, toi. Non, mais tu sais, vous allez pas chercher toutes les gens qui parlent mandarin sur Facebook pour leur demander « Est-ce que tu aimerais discuter avec moi pour... » Tandis que cette application-là... C'est creepy un peu, ouais. Exactement. Tandis que cette application-là va vous mettre vraiment en lien avec les gens qui veulent le faire aussi. Donc, vous allez apprendre une langue, mais l'autre personne va l'apprendre aussi en même temps. Donc, c'est vraiment le meilleur mélange entre apprendre et discuter. Et c'est ça qui rend la chose super belle. Et c'est aussi disponible sur iOS et Android. C'est vous qui allez sélectionner votre niveau de langue dans ce... dans ce, la différente langue que vous voulez apprendre ou discuter. Par la suite, vous allez trouver une personne, un étranger avec qui discuter. Peut-être, qui sait, que vous allez peut-être même rencontrer l'amour de votre vie. Et vous pouvez, bien évidemment, aimeriez apprendre exactement dans une certaine langue. Et ça va vraiment vous chercher quelqu'un qui veut les mêmes choses, mais dans votre langue à vous. Alors, c'est super pour ça. Ça peut devenir aussi un complément à Duolingo et How to Pronounce si vous êtes du genre à vraiment y aller à fond de train pour apprendre une nouvelle langue. Voilà. Génial. Donc, Duolingo, How to Pronounce. Oui. Celui-là, c'était... Hello Talk Language Exchange. Ça l'est plus dur à retenir. Oui, je sais. Je vais les mettre sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et que t'es une bonne fille. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Pour ceux qui sont plutôt, comment je pourrais dire... pas super bon avec les applications ou qui sont pas nécessairement portés à télécharger des applications. Ben, apprenez. Sachez que Google Translate, ça peut se tromper, mais c'est une belle porte d'entrée. Oui, ça détecte la langue, c'est pas toujours exact. Exactement. Mais Google Translate a vraiment mis un petit peu d'effort de son côté. Oui. Et on va vous donner aussi la prononciation des choses. Vous allez voir, il va y avoir un petit haut-parleur. Vous pouvez écouter comment prononcer et tout ça. Est-ce que tu savais que si tu cliques une deuxième fois sur le haut-parleur, il va le lire plus lentement? Oui. C'est le fun, ça. C'est très plaisant. Est-ce que tu veux entendre comment un Britannique prononce assemblage? Ah, vas-y. On va essayer, voir juste pour le fun. Mais il va le prononcer en français? Non, non. OK. C'est supposé le lire. C'est supposé le lire. Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu le dis pas? Assemblage. Oh, okay, oh. Je l'ai. Assemblage. Pas pire. Assemblage. Assemblage. Il peut le lire aussi plus lentement, attends. Assemblage. J'aime bien. Assemblage. Wow. C'est cool, hein? Bref, merci Tania. Ça fait plaisir. Les liens sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et nous, Colin, juste à temps comme ça, à 9h31, c'est le moment de se dire au revoir pour ce moment-ci. On va être de retour toujours en direct demain entre 6h30 et 9h30. Cet après-midi, l'émission continue pour une période temporaire. Donc, en après-midi, Assemblage Requis PM entre 14h et 17h. Toujours avec Tania et moi. Des chroniques, on a un nouveau concept aujourd'hui. Oui. Non seulement un concept par rapport aux durées des chroniques avec toi qui va être comme mon chef, mais ça en plus, j'essaie de nouvelles idées de chroniques cet après-midi. Si vous voulez une idée, là, je vais chronométrer Mathieu sur tout ce qu'il fait. Ça va être génial. Et c'est ça, je vais essayer des versions bêta de deux nouvelles chroniques pour l'instant que j'ai envie d'amener à l'émission. Donc, on va servir de l'émission Assemblage Requis PM comme un genre de terrain de jeu pour Assemblage Requis version matinale. Donc, soyez-y entre 14h et 17h pour Assemblage Requis PM. Sur nos ondes, plus tard, dans quelques instants, dans une demi-heure environ, ça va être la rediffusion du Mathieu Plante Show. Donc, toujours plus de moi. Entre 10h et midi. À midi, Rock de Neuron avec du rock progressif. Et puis, il n'y a plus de baseball, évidemment. Donc, reste de la programmation est temporairement en flux. En flux constant. La programmation régulière recommencera à partir du 12 septembre. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, Facebook, on est sur Twitter, on est un petit peu partout, Splashface. Merci Tania. Merci à toi Mathieu. Merci à David Ferron et on se retrouve demain à 6h30. Bye bye. Bye.